Je, on est chez vous. D'accord. Bon, soyons les bienvenus. Je dis bienvenue à mes frères de Yaoundé qui vous ont précédé. Uh-huh. C'est vrai que vous êtes arrivés à Yaoundé hier. C'est ça? Uh-huh. Ok. Donc, nous sommes à présent nos frères de Douala qui sont venus nous exhorter pour que nous prions également ensemble. Donc, c'est le frère Junior et les autres qui nous attendent. Ils sont déjà là. Le celui-ci, il s'appelle comment? Le frère Achille. Là-bas, ça s'appelle comment? Parce que tu m'as présenté seul. Tu dis les frères de Douala, mais tu m'as présenté seul. Donc, oui, continue, bon, j'ai présenté le frère Junior, le frère Achille. Pour les autres, ils vont se présenter à nous. En fait, les trois là sont à Yaoundé. Ah, ok. Mmh. Voilà, il devient aussi Douala, le frère de la gloire. Oui. Nous étions déjà ensemble tout à l'heure. Ah, okay. Donc certainement nous allons nous permettre de nous connaître entre frères, de nous présenter les uns les autres. Oh. Donc, mon frère. Moi c'est le frère Jules. Moi c'est le frère Achille. En fait, lui-même doit être surpris parce qu'il voulait seulement me voir. Je lui ai dit que comme le programme est serré, c'est mieux quand on se retrouve ici comme ça, on aura le temps de causer. D'accord. Donc lui, c'est la première fois qu'on se voit comme ça là. Ah, d'accord. Donc c'est la première fois où nous voyons comme ça ensemble. Avec son épouse. Donc son épouse n'a pas besoin de se présenter quand même. Son épouse. Merci de faire la gloire. Ok. Avant de me présenter, je veux savoir si vous tous avez des frères. C'est parce que quand ça va les noms, les prénoms là, est-ce qu'il n'y a pas les noms? Voilà. Bon, c'est bon. Non, c'est simple. Comme il pose la question en français, demande-lui si les Français en parlent en français. Enfin, les noms là seront compliqués parce que ça va faire 15 ans qu'on va oublier même le prénom. Quand tu avais le prénom, après, quand on va s'asseoir, on pourra savoir le nom, d'accord? Parce que ça fait au moins 3 fois que tu m'as donné ton nom. Je ne connais pas quel est le nom, véritablement. Non, Jules est facile. Mm-hmm. On est habitué avec les prénoms, pas vrai? Sœur Mireille. Bon, c'est ma maman Fossi. Maman Marceline, sœur Marceline. Oui. Comment toi tu anticipes? Tina Ernestine, Nangob Justine. Moi, c'est la sœur Ange. Moi, c'est la sœur Angèle. Ange. Cyril. Cyril, il manque ce moment. C'est ça, Gabriel, une fois. Ange, Gabriel. Très Cyril. Oui. Bon, mais si nous sommes présentés. Maintenant, je vais adresser comme ça au Seigneur. Nous allons nous lever, adresser au Seigneur. Baissons la tête pour prier. Éternel Seigneur Dieu des armées, Dieu de gloire. Père, nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom, nous te disons merci Seigneur, merci Éternel des armées, merci parce que tu nous rassembles en ce lieu, merci Seigneur parce que tu as veillé sur le chemin, Seigneur tu as conduit tes enfants ici, Seigneur c'est toi qui nous conduisais sur le chemin, Seigneur nos frères sont venus de loin, Père Éternel, et nous sommes rassemblés, nous attendons à toi. Seigneur tu as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous te célébrons, nous te disons merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous maintenant, Père. Merci Père. Seigneur, nous voulons, Père éternel, que nos cœurs soient attachés à toi, que nous attendons à toi et rien qu'à toi. Seigneur, que nous ne regardons pas à un homme, mais parce que tu es au milieu de nous, que nous regardons à toi, nous attendons à toi. Seigneur, toi qui disposes de toutes choses, Seigneur, que tu conduises les choses selon ce que tu as prévu. Seigneur, conduis toutes choses. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Maintenant, très bien. Sois encore une fois. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te laisser la main. Merci. Alors, c'est toi que nous attendions. Amen. Avec les autres frères. Amen. C'est pour qui la Bible? C'est pour moi. Comme le frère ne savait pas qu'il devait avoir la Bible. Bon, sortons alors de la Bible, alors, puisqu'il a dit que c'est l'exhortation. Il pourrait peut-être qu'on devait seulement venir se saluer, mais il a dit que c'est l'exhortation. Tu as la Bible? Vous aurez besoin? Oh, oh, je lui donne ça. Bien, regarde. Dans la Bible ici, on s'attend à lire le frère Jésus. Ça va. Bon, je suis à votre service maintenant. Je ne sais pas si vous posez pas des questions. Si vous voulez poser des questions me concernant ou concernant n'importe quoi, avant qu'on commence. En attendant que le Saint-Esprit nous donne un sujet sur lequel on peut travailler. Si quelqu'un aurait des questions, n'importe quelle question concernant n'importe quel sujet, concernant n'importe quoi, posez-les. Avant qu'on commence, ou bien c'est ça la question qui nous conduit. Sinon, comme vous avez la Bible, on va aller dans la Bible. En suivant le fil qu'il va nous donner. On prend quelle direction? Assemblée des saints décidés. On prend quelle direction? Je commence à parler ou bien j'attends de vous les questions. Oui, frère. La question que je voulais poser, déjà c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. J'ai pris vos enseignements, j'ai commencé à suivre. Je crois que le jour où je vous ai appelé, oui. Ce jour-là, je vous ai appelé. Bon, déjà ce qui m'a marqué. Vous attendez là, maman. Ok, parle fort. Déjà ce qui m'a marqué, c'est que, en fait, dans mon âge, la façon dont j'abordais la chrétienté, je ne savais pas que Dieu agissait encore de cette manière. Donc, c'est-à-dire, il parlait aux gens, il les adressait des messages directs. Je crois que, bon, comme Jésus était parti, il avait déjà tout accompli. Oui. On devait suivre sa parole et puis... On devait prendre la Bible comme ça, lire comme ça, rester tranquille. Exactement. Ah, quelle chrétienté on aurait là. Ça, c'est la chrétienté témoin de Jéhovah là. Bon, qu'est-ce qui t'étonne donc en écoutant les enseignements? Ce qui m'étonne, c'est justement la manière dont vous abordez les enseignements. C'est-à-dire, vous restez un moment, bon, merci Père, vous avez reçu peut-être... un texte, c'est cette manière, en fait, ce fil conducteur là. Oui. Donc, on commence de manière générale, pas un thème arrive et puis on commence. Ça se développe, ça se développe. Alors, maintenant, là, tu avais écouté cela dans l'audio, sans me voir. Maintenant, tu en es de vivre la chose directement. Tout à fait. Voilà ma Bible là-bas, vous avez les Bibles, j'attends. S'il donne un sujet sur lequel on doit travailler, on va travailler. Si, tant qu'il ne donne pas, il ne faut pas qu'on bouge. D'accord, frère? D'accord. Ah, vous savez que c'est comme ça? Oui, je sais que, bon, pas forcément, puisque les enseignements, quand ça commence les audios, oui. C'est comme on a déjà enregistré les autres parties. Donc vous pensez que c'est dans l'audio, c'est les bonnes parties qu'on a enregistrées? Non, pas forcément, c'est-à-dire, dans le moment où on commence comme ça, où on attend, parfois les gens posent des questions, mais parfois ça commence directement sur l'enseignement. Un enseignement direct, oui. Une fois. Oui. Oui. Donc, comme il... ok, tu veux qu'on parle de ces dieux-là qui accomplissent toujours les miracles, bien, qui parlent, qu'est-ce qui a fait que les gens n'est pas vu à avoir la direction que tu as, c'est-à-dire qu'en plein la Bible, on a une conception de Dieu qui n'est pas réelle. Pourquoi on est arrivé au niveau où on pense que Dieu ne parle plus? Sur quelle base ces personnes-là le font et pourquoi les gens parviennent à y croire? Vous prenez le groupe des musulmans, pour eux, Dieu est tellement éloigné qu'on ne s'adresse pas à Dieu directement. Dieu, lui, ne s'adresse pas directement à l'homme, il faut qu'il soit par l'intermédiaire d'un ange. Ça, c'est la croyance musulmane. Pour le cas des témoins de Jéhovah, Dieu ne parle plus. C'est terminé, exactement comme tu as dit, il n'y a plus de miracles. On ne doit plus chasser les démons. Si quelqu'un chasse les démons aujourd'hui, c'est qu'il le fait parce que Jésus a dit dans Matthieu 24 qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui vont venir. Alors, le Saint-Esprit ne parle plus. Alors, ça veut dire que si c'est comme ça la chrétienté, on est en danger. On est en danger, d'accord? Si vous voulez, donc, on développe là-dessus. Vous y êtes? Ça, c'était l'une des questions. J'ai pas encore posé. Oui, pose des questions, frère. Maintenant, la deuxième... question, c'est de savoir, bon, depuis que je suis tout petit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, oui. L'église évangélique du Cameroun. Bon, maintenant, au milieu de nous, ce que je veux comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'au milieu de nous, je sais que parmi nous, il y en avait qui manifestaient vraiment cet engouement pour Dieu, pour Dieu là. Mm. Mais pourquoi je n'ai pas ressenti qu'au milieu de nous, il y avait des manifestations concrètes du Seigneur, c'est-à-dire une guérison, à la suite peut-être des prédications ainsi de suite. Si on a regardé, on a échangé, pourquoi je n'ai jamais senti ça? Peut-être qu'il fallait que quelqu'un soit là, je ne sais pas. Voilà. Mais je en pense fait, que Dieu pouvait agir. Bon, ça, c'est... L'une des questions implique l'autre. Tu vois que les petits, petits à petits, toi-même, te voilà maintenant avec le fil que Dieu t'a donné, tu as donné, que voici par où on va suivre. Donc, vous voulez qu'on développe là-bas en attendant, pas vrai? Commençons donc quelque part alors. D'accord? Commençons par Deutéronome chapitre 4. Alors, si vous voulez noter, vous ferez mes chercher une feuille déjà parce qu'au fur et à mesure, les versets vont commencer à venir. Au fur et à mesure, les versets vont commencer à venir. Frère Julie fait l'information, il a réussi une fois tout dans sa tête. Donc, on va voir dans le sujet qui sais-tu depuis. D'accord, frère? Qui sais-tu depuis? Sinon, c'est ce que tu as décidé avec Dieu qu'on voit. Il n'y a pas le stylo, vous voulez le stylo, c'est ça? Attends, là, je vous donne. C'est bon, là, le fait. Tu veux le big moment? Ok, vous en avez, ok, c'est bon. Frère Christian, ça va? Toi-même, tu te sens déjà à l'aise. Ou bien c'est au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure, il va vous donner des versets, d'accord? Si vous avez les feuilles, si vous n'avez pas les feuilles, on vous donne la feuille quelque part ici. On vous donne la feuille, maman. Pardon, si c'est possible, frère, divise ta feuille, frère. C'est Cyril. C'est Caliste. C'est bon là. Ok. Le frère Jules et maman Jules ne sont pas là. On commence. Donc, Dieu dit Deutéronome chapitre 4. Il faut qu'on attende que les autres viennent avant qu'on commence là. Donc, on va lui dire, je vais donner, ne t'inquiète pas. Donc, le frère pose des questions qui sont légitimes. Il dit que les gens, il s'est rendu compte que Dieu parle encore en adressant les messages. Il peut opérer des guérisons, il peut opérer des miracles encore. Là, c'est quelque chose qu'il faut vérifier dans la Bible, si c'est vrai. Il faudra qu'on vérifie dans la Bible, parce que les gens qui disent que Dieu ne peut plus parler, ou bien Dieu n'a plus de message, ou bien le temps de Dieu, le temps qu'il parlait au Moïse, ils ont certainement des bases sur lesquelles ils se basent. Il faut qu'on examine les deux côtés. Il ne faut pas seulement qu'on prend un côté, on commence à se cramponner là-dessus, d'accord? Donc, on va voir au travers de l'Écriture, quel est le plan de Dieu derrière cela. Et puis, on va toucher la question, à la réponse à sa question. Il dit qu'il était dans l'église évangélique. Et il y avait des gens qui étaient zélés. Pourquoi Dieu ne se manifestait pas? C'est au travers des Écritures que nous allons voir tout cela maintenant. Deutéronome chapitre 4, lisons à partir du verset 1. C'est toi qui vas lire, frère. 1, 2, et on va s'arrêter au verset 3. Okay. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tel que je vous les ai prescrits. Amen. On va s'arrêter là-bas. Vous avez vu le dernier volet du verset, n'est-ce pas? Vous observerez les commandements de l'Éternel, tel que je vous ai prescrits. Dans le livre d'Ecclésias 9, le verset, la Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits. Ils ont pris beaucoup de détours. Beaucoup de détours. Donc, les raccourcis, ce sont les hommes qui ont pris les raccourcis. Il veut que les hommes soient droits, mais les gens ont pris beaucoup de détours. Il faut qu'on se pose certaines questions telles que tu en as de poser et qu'on arrive à répondre à ces questions-là maintenant. Tout en sachant qu'on a deux questions de base fondamentales qu'il faut répondre. Et ces questions-là nous conduisent au sujet qui suivons-nous depuis. Par exemple, on a un sujet qui nous concerne. Dieu, il s'est rendu compte que Dieu parle encore, il opère encore le miracle. Et certaines personnes croient que Dieu n'opère plus le miracle, il ne parle plus. Des deux choses, l'une des personnes qui croient ceci à tort. Et sur quoi donc se trouve dans leur doctrine? Ils se basent sur quoi pour dire ou l'une ou l'autre chose? C'est ça qu'il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit dans les autres cas. On ne dit pas que je suis témoin de Jéhovah chez nous, c'est Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Non, c'est pas ça. Il faut examiner nos croyances. Et lorsqu'on examine les croyances, on va arriver au niveau de qui est-ce qu'on suit depuis. Nous sommes d'accord? Donc, au fur et à mesure, il recommence encore. Au fur et à mesure qu'il veut parler, les poches des versets vont commencer à se pleuvoir. D'accord? Dans Galates chapitre 1, le verset 6, vous pouvez noter également cela, jusqu'au verset 9. Dans Galates chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 9. Il va, quand vous allez noter, il va effectivement expliquer. Puis je vais recommencer avec ces Deutéronome chapitre 4. L'apôtre Paul dit qu'il écrit au sujet de ceux qui troublent les chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Puis il dit, pas qu'il y ait un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui se viennent là pour renverser l'évangile de Christ. Puis verset 8, il dit que, mais quand nous-mêmes, mais quand un ange du ciel prêcherait un autre évangile, autre que nous, ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il dit, je le répète encore à cette heure, je vous l'ai déjà dit précédemment, je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile, autre que ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit au plus haut point. Okay. L'apôtre Paul a d'abord dit, pas qu'il y ait un autre évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ok. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on vérifie la bonne nouvelle qu'on a reçue. Si on a seulement écouté, ou bien si on a d'annoncer, on vérifie si la bonne nouvelle qu'on a d'annoncer. On se comprend? Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous allez noter, c'est ça? Notez les versets 1 à 5, puis les versets 10 et 11. Donc, quand vous allez, on va lire les versets 1 à 5, puis on va sauter, on va aller au verset 10 et 11. Frère, tu peux nous lire? 1 Corinthiens chapitre 15. C'est frère Cyril. Cyril, ok. Bonne arrivée. Verset 1 à 5 d'abord. Ok, verset 1 à 5. Oui. Okay. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Oui. Dans lequel vous avez persévéré. Oui. Et par lequel vous êtes sauvé. Oui. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Permettez-moi d'arrêter ici et commentons. Je veux que vous vérifiez ce que votre Bible dit. Il dit, je vous rappelle, ce n'est qu'un rappel, il s'adresse à ceux-ci qui ont cru. Il dit, je vous rappelle que l'évangile qui vous a été annoncé par moi, on parle de l'évangile là, dans lequel, par lequel vous avez cru et vous avez sauvé. Il dit que, dans lequel vous persévérez, si vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Donc on ne doit pas ajouter quoi que ce soit. Il faut donc qu'on vérifie véritablement quel type d'évangile on a écouté. Parce que cet évangile qu'on a écouté, c'est ça qui nous sauve. On doit y persévérer pour demeurer dans le cadre de l'évangile. Donc l'évangile a fixé les garde-fous pour qu'on n'en sorte pas. Dans Deutéronome chapitre 4 qu'on a lu, ça c'est dans la Sainte Alliance. Quand il avait donné la loi ne devait pas se discuter. Il avait dit, veillez à observer tel que je vous ai prescrit. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Alors, un juif ne pouvait pas donner son interprétation du Shabbat. Shabbat, ça veut dire le repos. Donc, le septième jour, il devrait, même s'il voulait faire n'importe quoi, même s'il devrait faire n'importe quoi qu'il le conseille, il devrait se reposer parce que la loi lui interdisait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, maintenant, s'il dit, oh, franchement, il est important vraiment que je sorte prendre ces choses-là aujourd'hui parce que s'il ne fait pas aujourd'hui, ça va pourrir au champ. Il va faire ça pour lui, mais il aura désobéi Dieu parce que Dieu ne changera pas son commandement pour lui. Il faut qu'on se comprenne. Alors, Dieu ne changera pas donc l'évangile pour aucun groupe. Si l'évangile a été prêché, si on prêche comme on a prêché, comme les autres ont prêché, il n'y aurait pas de problème. Donc, s'il y a problème en milieu chrétien, c'est justement parce qu'il y a plusieurs évangiles effectivement qui sont sortis. Et donc, d'où la nécessité de savoir donc qui on suit depuis. Suivre un faux Jésus veut dire automatiquement que tu as cru un faux évangile. Parce qu'au chapitre 11 de 2 Corinthiens, il dit qu'il y en a plusieurs personnes, les apôtres de Satan qui se déguisent en ministres de justice, qui sont là pour prêcher. Et quand il dit, quand ils vont prêcher, il dit, vous pouvez croire un autre évangile, être scellé d'un style d'esprit et croire à un autre Jésus. C'est pour ça qu'il pose la question, qui est-ce qu'on suit depuis? Et qui est-ce qu'on suit depuis est déterminant. Parce que qui est-ce qu'on suit depuis vient du fait que qui est-ce qu'on a annoncé, comment on l'a annoncé et qui l'a annoncé. Vous suivez? Donc, je viens de prendre en parallèle avec les Juifs pour que vous compreniez que les Juifs avaient un carnaval sur lequel ils devaient marcher. Et quand bien même ils ont remarqué, ils sont tombés plusieurs fois dans plusieurs siècles. Vous lisez le livre des Juges, plusieurs fois sur Shamgar, sur O'Neill, sur, dans la période de Barak. Chaque fois qu'ils ont tombé, Dieu les a livrés à, quoi, aux ennemis. Quand ils sont réveillés, implorer la voix de Dieu, retourner à cette même loi, Dieu a eu miséricorde et a fonctionné avec eux. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu a déjà donné comme ça là, si tu te plies, tu fais comme ça là, tu commences à avancer par ici, tu crois que tu réussis, tu peux réussir une fois, deux fois, trois fois, le jour sera bloqué, tu vas revenir recommencer là où il avait dit. Dieu ne change pas. Nous sommes d'accord. Donc, il n'y a eu jamais eu variation de la loi de Dieu pour Israël. Parce qu'il avait dit, voilà, les commandements que je t'observe, c'est pour tout Israël. Et au chapitre 6, verset 11 du livre de Deutéronome, il va dire que vous devez leur enseigner à vos enfants et aux enfants de vos enfants de génération en génération à perpétuité. Il dit, si lorsque vous serez entré dans le pays que l'Éternel vous donne, ce pays où coule le lait et le miel, si vous, quand vous serez entré, vous écrivez sur les lintots de porte, vous enseignerez à vos enfants, vous les écrivez sur votre cœur, vous les attacherez à votre cou, au voyage, vous allez enseigner cela au voyage, quand vous serez en voyage, dans la maison, quand vous sortirez, quand vous dormirez, quand vous relèverez. Pas vrai? Il dit, si vos enfants vous demandent qu'est-ce que c'est que ces ordonnances que vous nous demandez, dites, nous avions été captifs dans un pays étranger et c'est l'Éternel par son bras puissant qui nous y a fait sortir en opérant des grands miracles. C'est ce qu'on devait perpétuer aux enfants. Alors, où est-ce qu'on est parti aujourd'hui avec les chrétiens? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, donc, s'il y avait du vide, là, vous me retenez, parce que quand ça vient, à un moment donné, là, il commence à parler sans rien plus comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul dit que, frère, je vous rappelle que l'évangile que j'ai été annoncé par moi, ici, là, dans lequel vous avez cru, dans lequel vous persévérez, autrement, vous aurez cru en vain. Je veux que vous compreniez les implications de ce type de verset. Donc, tu peux avoir cru en vain. Donc, tu crois que tu crois, alors qu'en réalité, tu ne crois pas. C'est dans ce sens que le Seigneur Jésus a dit que plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur. Parce qu'on va prendre toujours les choses du Seigneur Jésus, annoncer, parler de Jésus-Christ. Parce que les témoins de Jéhovah ne sortent pas pour annoncer Satan. Ils annonçaient Jésus, le Messie, le Christ qui est mort sur le poteau, cette fois-ci. Qui est mort sur le poteau pour le salut. Mais tu avances pour dire qu'il est Dieu, il dit jamais. Vous voyez là, vous voyez les pieds d'achoppement, pas vrai? Vous dites maintenant qu'en dehors de vous, il n'y a plus personne. Il dit non, nous sommes l'âge de Noé moderne. Quelque chose ne va pas. Donc, ça veut dire que sur la terre, Dieu est censé sauver les témoins de Jéhovah seulement. Vous prenez l'église catholique, il dit que non, Jésus avait donné la clé de l'église à Pierre. Il a dit, tu es Pierre, c'est Pierre, c'est mon église. Hors de l'église catholique, point de salut. Il vient de dire qu'en dehors de l'église catholique, vous ne pouvez pas être sauvé. Pendant ça, les témoins de Jéhovah sont dit la même chose. Les Avatiens septième jour, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que vous ne respectez pas les commandements de Dieu, le sabbat. Nous, nous respectons le saint sabbat. Quand il va dire comme ça, là, il peut se défendre avec quelques versets de l'écriture sans sortir. Il va dire que toute la chrétienté ne développe pas la loi de Dieu et le commandement de Dieu est irrévocable. Et par conséquent, si cette base est irrévocable, ils ont raison. Mais vous allez à la Bible, vous trouvez autre chose. Par conséquent, les abattis, septième jour, croient que c'est eux ceux qui respectent le commandement qui seront sauvés. Donc d'après eux, les témoins de Jéhovah, les catholiques n'ont pas raison. Avancez comme ça avec chaque groupe maintenant. Chaque groupe. Vous allez voir la même chose. La question c'est, Christ est-il divisé? A-t-il changé entre temps? La Bible a-t-elle changé? Non, en fait, le vrai problème, c'est que les hommes ou des démons ont mis leur interprétation aux Écritures. On va voir tout cela dans les Écritures développées. Les hommes ou des démons ont mis leurs interprétations aux Écritures. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire ce qu'il faut qu'on retienne tel qu'il a donné. Autrement, si on ne retient pas tel qu'il a donné, dites Amen là jusqu'à la fin, parce qu'on va toucher les implications. Si on ne retient pas tel qu'il a donné, on aura cru, donc on va croire qu'on a cru. Si vous lisez Jean chapitre 8, verset 30 à 33, le Seigneur Jésus va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, vous êtes mes disciples, si vous demeurez véritablement dans mes paroles, donc si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Les Juifs ont commencé à dire que mais, nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment tu dis que nous serons libres? On dit qu'ils avaient cru en lui. Il a commencé à leur dire qu'en réalité, vous voulez me tuer. Les gens qui ont cru en Jésus veulent le tuer. Quand il a fini par aller, arrivé au verset 53, là-bas, il a dit que Abraham, votre père, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ils ont ramassé le caillou sur lui. On dit au verset 30 qu'il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Par conséquent, les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ, ce ne sont pas ceux qui vont dimanche à l'église, ni ceux qui donnent les dîmes, les offrandes, pas prier, sont anciens. Non, c'est ceux qui demeurent dans sa parole. Donc, que tu sois pasteur, prophète, n'importe quoi que tu proclames, n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Si tu ne demeures pas dans la parole de Dieu telle que c'est donnée, tu as cru en vain. Dis à ton voisin maintenant, qui suis-tu depuis? Voilà. Donc, comment avançons ici, frère? Autrement, vous aurez cru en vain. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Stoppons là-bas. L'apôtre Paul dit que je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu. Où est-ce qu'il a reçu cela? C'est Pierre qui l'a enseigné. Qui l'a enseigné? Christ Jésus l'a enseigné. Parce que dans Galates chapitre 1, verset 11 à 15, il dit que frère, je vous rappelle que l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi. Je n'ai ni appris d'un homme, ni par une école de théologie. Mais c'est par révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous avez su quelles étaient mes voies dans le judaïsme, comment j'étais avancé dans la doctrine, dans la tradition des pères, étant zélé pour la tradition des pères. Mais celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, de me révéler son fils, je n'ai monté point à Jésus pour constituer ceux qui fussent les apôtres avant moi. Mais c'est 14 ans plus tard que j'ai monté, et ça, c'est par révélation pour faire la connaissance de Séphar. Et il demeurait 14 jours chez lui. Je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques et Jacques, le frère du Seigneur, et Jean qui sont regardés comme les colonnes de l'église. Donc il n'est pas allé s'asseoir quelque part, lui a enseigné. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu. Il faut qu'on comprenne qu'il a reçu de quelqu'un. Pas un homme qui lui a enseigné cela. Or, maintenant, voici le problème de ces versets. Le problème, c'est que Il enseigne une chose, comme on va voir dans le verset 10 et le verset 11 là. Je crois qu'on, c'est mieux quand il va maintenant. Verset 10 et 11. Oui. Verset 10. Par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, oui. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Oui. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Oui. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Oui. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux. Voilà ce que nous prêchons. Oui. Et c'est ce que vous avez cru. Amen. Mais t'as frère. C'est merveilleux l'évangile, pas vrai? Donc il dit ainsi donc, il en est de conclure, pas vrai? Mm-hmm. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Mm-hmm. Il dit, et c'est ce qu'ils ont, ils prêchent là, que vous avez cru. Enfin, il en est dit aux Corinthiens à qui il écrivait. Parce que à nous, maintenant, nous sommes en train de sortir d'abîme pour poser des questions si oui ou non nous avons cru la même chose. Donc, en réalité, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ qui ont établi les premières églises à la Pentecôte et au suivant enseignaient les mêmes doctrines. C'est ce que la Bible nous révèle là maintenant. Que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous enseignons. Et c'est ce que vous avez cru. C'est pour cela qu'au chapitre 3 de ce livre, au partir du verset 1, il va commencer à dire que vous êtes encore charnel. Il dit, quand l'un dit moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, parce que cette tendance avait commencé là-dedans. Quelqu'un venait dire que non, j'appartiens à l'église du frère Junior. Non, l'autre dit, j'appartiens à l'église du frère Christian. Maintenant, changez cela. J'appartiens à. Mais t'es pas témoin de Jéhovah. Catholique, protestant, branhamiste, église réveillée, Jésus-Christ revient bientôt, il sauve et guérit maintenant. Tu entres, tu sors riche, ainsi de suite. Mais t'es n'importe quoi. Vous allez voir la même chose aujourd'hui, pas vrai? Donc, ce qu'on reprochait à l'église au premier siècle, cette semence-là, se retrouve en plein milieu de l'église. Vous avez prêché chez quelqu'un maintenant, et je sais que parmi vous maintenant, vous allez tourner comme ça, vous allez me poser la question que ton église, c'est quoi? C'est pas ça, les mamans là. Quand ça vient en vous, sachez que c'est les mêmes pensées, les mêmes esprits qui inspirent les disciples dès le départ, parce que les esprits ne peuvent pas mourir. C'est pour ça que l'évangile sera toujours pour combattre cet esprit, pour présenter la vérité. Chaque fois qu'il y a cet esprit, la vérité va sortir pour combattre cela. Donc il dit, lorsque, voici ce que vous dites, l'un dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas. Il dit, Paul est-il mort pour vous? Céphas a été crucifié, ou bien c'est en nom de sauf que vous avez été baptisé. Donc ça veut dire que c'est qui est mort pour nous? Jésus-Christ. On baptise au nom de qui? Jésus. Nous avons cru en qui? Jésus. Dans ce cas, d'où vient j'appartiens à? D'où vient ça? Vous laissez Jésus, vous êtes église protestante. Je suis protestant. Tu protestes quoi? Tu protestes quoi au juste? J'appartiens, non, mon grand-père était catholique. Et puis ça fait quoi? Dis à ton voisin que la chrétienté ne se contamine pas. Ça ne se transmet pas du père en fils. Il faut naître d'en haut. C'est la vérité de l'évangile, ça. Le fait que tu es dans une famille chrétienne ne fait pas de toi chrétien. Le fait que ton père soit pasteur, prophète, ça ne fait pas de toi un pasteur-ton. Ou bien un prophète-ton. Vous savez, petit d'un prophète, c'est un prophète-ton, non? Rejeton, hein? Rejeton. Alors, le Seigneur veut nous faire comprendre ici, il faut qu'on vérifie notre foi pour savoir où est-ce que la foi est trouvée. Mais voici l'une des choses que les êtres humains ont. La vérité, la vraie vérité, c'est que lorsque la vérité confronte ce sur quoi nous nous confortons depuis, et qu'on voit que ça va bientôt chambouler, la chair se lève. Voici la vérité. Parce qu'on voit que nos valeurs, ce sur quoi nous sommes cramponnés depuis des années, les avantages surtout, vont devoir changer de camp. Mais, en amplesse, dès que tu as entendu la vérité, là, tu ne peux plus jamais dire que tu n'as jamais entendu. Tu ne peux plus dire que tu n'as jamais entendu. Même si tu pars t'asseoir là-bas comme un hypocrite derrière, le Saint-Esprit te dit que tu connais la vérité. Amen. Amen. Donc, si vous voulez maintenant, vous pouvez me dire que j'arrête maintenant. On arrête. Si c'est que vous avez préparé la nourriture pour nous recevoir, mais cela n'est plus important comme ceci. Si vous dites qu'on arrête, on arrête. On se fait serrer les accolades là-bas que on était vraiment content de te rencontrer. Mais si vous dites que je continue, je vais continuer parce que je vais continuer à cogner. Ne dites pas oui comme ça, après vous me poussez ici dehors. Si vous dites oui, j'avance. On avance. Ne dites pas que allons-y parce que tu n'es pas seul. Il faut que j'avance en sachant que tout le monde est d'accord. Ok. 1 Corinthiens chapitre 4. Je vous ai dit que les versets vont commencer à sortir comme ça, pas vrai? Souvenons-nous, on a devant le sujet. Qui suis-tu depuis? Et là, il faut qu'on sorte là, on répond aux deux questions qui sont posées. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17. Bon. Dans le verset 17, l'apôtre Paul parle là de Timothée. Pas vrai? Lis ça, frère. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Oui. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, oui, qui est mon enfant bien-aimé et, oui, fidèle dans le Seigneur. Qu'est-ce que Timothée est censé faire? Il vous rappellera quelles sont mes voies, oui, en Christ, oui, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Donc, quand Timothée vient, l'apôtre Paul l'envoie. Quand il va arriver ici, il va dire que voici ce que l'apôtre Paul enseigne. Il ne vous enseigne pas ça seulement chez vous. Il dit qu'il enseigne où? Dans toutes les églises. C'est terrible. Je vais disparaître là maintenant. Donc, dans toutes les églises ont même doctrine. Donc, toutes les églises ont même doctrine. Ok, maintenant. Mettons les pancartes, église évangélique. Même église évangélique, encore, c'est différent. Parce qu'il y a église évangélique Cameroun, église évangélique luthérienne. Donc, dans une secte, il y a des sous-sectes. Comme il y a le RDP, c'est sous-section. RDP, c'est Fundi Est. Dans le Fundi Est, il y a le Fundi SS. Alors, dans le milieu chrétien, ça se trouve ainsi. On a église évangélique luthérienne. Église presbytérienne, presbytérienne réformée du Cameroun. Presbytérienne réformée, renouvelée. Où est-ce qu'on est en train de se diriger là? L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 20 et 23, il dit que, et j'en crois en partie, car il faut qu'il y ait même des sectes parmi vous. Donc c'est une prophétie normalement que ça existait ainsi. Mais ça ne devrait pas exister comme ça pour l'église du Seigneur Jésus, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit que pour cela, il a des choses qu'il a expliquées là-bas, parce qu'à partir du verset 9, il va parler comment il a souffert dans la nudité, ainsi de suite. Il dit au verset 17 que pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant dans la foi, pour qu'il vous enseigne les manières dont j'enseigne dans toutes les églises. C'est ça qui est écrit? Ok. 1 Corinthiens chapitre 11, avançons au chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Lisons un verset, parce qu'on va y revenir plus tard, Dieu voulant. Le verset 16, frère, qu'est-ce que ça dit? Le verset 16 de 1 Corinthiens 11, qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un se plaît à contester, oui, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Ah, vous avez entendu? Donc dans les églises de Dieu, il n'y a pas de contestation. On ne conteste pas. C'est ce qui est écrit, frère, dans la Bible. Je repose encore la question, qui est-ce qu'on suit depuis? Quand Moïse descendait de la montagne, tout le peuple était là, on attendait voir ce que Dieu a dit. Et c'est ce que Dieu a dit qu'on devrait appliquer. On ne disait pas que, enfin, vous avez vu effectivement comment il y a des tentatives de contestation, ce qui est arrivé à ceux-là. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 8 que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Vous comprenez, n'est-ce pas? Lorsque Corée est resté avec Abiram et Dathan, ils ont dit que merde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la prédication de l'évangile, les ministres que Dieu a, on les appelle les ministres. Aujourd'hui, vous avez les ministres ici, qui sont avec les gardes du corps. Nos gardes du corps sont les êtres spirituels. Vous suivez cela? Ils ne nous entraînent pas dans le palais d'étudier, ni dans la maison blanche, nous entraînent dans le palais de gloire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ou lorsqu'on passe comme ça, les anges se prosternent pour dire que, bon, soldat, vous avez bien combattu sur la terre. C'est là qu'on nous a fait ministres. Ici, papa, essayez d'acheter un Pajero, vous là. Vous écrivez sur votre Pajero, ministre de la justice. Chassez deux policiers, quelqu'un s'habille en policier. Passez en ville. Dans les minutes qui suivent, on va vous arrêter, pas vrai? Pas vrai, frère? Amen. Mais maintenant, les gens s'auto-proclament les ministres de l'évangile. Sans être appelés. Ce sont des débouchés qu'on va toucher. Sans être appelés. Et donc, ceux-ci ont amené des contestations au milieu chrétien. Ils pensent qu'ils peuvent penser encore la Bible. Alors, dans les églises, donc, instituées par les êtres humains, il y a ce qu'on appelle les règlements intérieurs. Donc, en dehors de la Bible. Tu vas lui dire que la Bible dit tes choses. Je dis que non. Chez nous, ici. Vous voyez, vous commencez à voir le mal, n'est-ce pas? Chez nous, ici. Donc, pour commencer à répondre à ta question, si un frère, lorsque vous résumez en cellule, un frère forme ça, bam, et que celui-là, le Saint-Esprit l'utilise, il guérit. Ça va remonter au chef de cellule. Aller au chef de cellule qui commande l'autre chef de cellule. Arriver au président de sous-section. Je vous ai dit que c'est un secte, non? Et puis, on va aller jusqu'au modérateur. Modérateur, on va lui demander quelle est la conduite à tenir. Il va dire qu'on arrête ça. Parce que chez nous, ici. Y a-t-il des prophètes chez les églises évangéliques? Y a-t-il des prophètes chez les protestants? Y a-t-il des prophètes chez les catholiques? Vous voyez, la Bible parle-t-elle des prophètes? La Bible dit à Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant, qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs et pasteurs pour l'édification du corps de Christ, pas vrai? On va édifier, construire le corps de Christ. Ok, si dans l'église protestante, il n'y a pas apôtres, prophètes, on va où avec eux? Dis à ton voisin, cesse de protester. Parce que personne ne doit t'édifier là-bas. Parce qu'on dit que c'est eux qui doivent édifier. S'ils ne se trouvent pas, ça veut dire qu'il faut sortir. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de t'édifier. Et édifier, ça veut dire construire. Il n'y a que deux façons. Si vous avez quelque chose à main, soit vous en êtes de construire, soit vous en êtes de détruire. Donc, tous ceux qui protestent font quoi? Déclise. Voilà. On est d'accord? Ok. C'est l'écriture qui doit être présentée à toutes nos réalités, toutes nos pensées, toutes nos doctrines, toute autre chose. L'écriture, il est écrit. Alors si la Bible déclare que, dans ce livre d'Éphésiens que je t'ai cité, que étant monté, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Et il a fait les uns comme apôtres, comme ceci, pour l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. On dit, jusqu'à ce que ces réalités spirituelles s'accomplissent sur la terre. Et à un moment donné sur la terre, ce n'est pas encore accompli. C'est un groupe qui dit que non, on ne croit plus nos prophètes. De dire non, il n'y a plus les apôtres aujourd'hui. Il y a un danger. Il y a un danger. Ils ont été trompés par les enseignements démoniaques. Parce que les deux piliers, comme Éphésiens chapitre 2 le dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc les apôtres et les prophètes ne doivent pas manquer au milieu de l'église. S'ils manquent, vous êtes en dehors. Ça veut dire que toute assemblée qui, déjà fondamentalement, toute assemblée qui réunit le fait qu'il y ait les apôtres et les prophètes quittés d'abord. C'est que vous ne serez jamais édifié là-bas. Parce que c'est l'ordre qui est là donné, que les cinq se sont donnés pour l'édification. Et l'édification conduit à ce que les chrétiens entrent dans le ministère. C'est ce que la Bible déclare. Vous voyez cela? Pour l'édification du corps de Christ, afin que nous sentions dans nos ministères. Pour que les chrétiens entrent dans le ministère. Vous voyez, quelqu'un dit, j'ai 48 ans dans la foi. Je dis, oh, je suis ancien d'église. La promotion qu'il a eue, c'est que sa chaise était rose. On a mis ça en velours. C'est ça, sa chaise. On a mis le canapé maintenant pour dire qu'il a trop duré au milieu de l'assemblée. Vous connaissez le frère Terry, oui. Dieu lui a fait une promotion à son lieu de service. Il y a des païens qui n'ont pas besoin de d'être là-bas, mais Dieu les a, Dieu les a promis plus haut. Pas vrai? On dit, wouh! Maintenant, c'est le moment de la fête des récoltes. On danse. Dis à ton voisin, cessez de protester. Mais restez dans les Écritures. Avec il est écrit. On avance. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, donc si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cet habit. Donc en milieu chrétien, on ne discute pas. Il dit, non plus que les églises de Dieu. Donc dans l'église de Dieu, on ne conteste pas. Alors par ricochet, on doit savoir qui est censé annoncer. Parce que s'il annonce, il est censé annoncer de la parole de Dieu. D'accord? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, vous pouvez noter là. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Notez ça, parce que j'ai dit là maintenant, vous allez sortir ici. Notez seulement, je sors rapidement, il va quelque part. Notez chapitre 2, on va y revenir là maintenant. Regardez, lorsque Moïse va commencer à manifester la gloire de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure en expliquant avec les ministres que c'est un ministère, c'est un service qui attire les convoitises. Parce que les gens croient peut-être que c'est un sujet de gloire pour la personne qui vient d'annoncer, de voir des gens de foule en train de le suivre. En réalité, les prédicateurs, les gens ne suivent pas le prédicateur, ils suivent celui qui envoie le prédicateur. En fait, ça devrait être comme ça. Mais vous voyez maintenant dans les églises, ce qu'on appelle l'église, chacun présente sa femme. Vous entrez dans les églises, vous voyez les photos de l'homme là-bas, de sa femme là-bas, c'est lui qu'on voit. Ils ont fait maintenant l'eau où il y a leur image, avec l'image de sa femme. Le caillou, il y a l'image de sa femme, c'est ça l'image qu'il allait présenter. Or, la Bible dit clair là-bas que, dans 1 Corinthiens chapitre 2, que, dans chapitre 1 verset 17, que nous n'avons eu de pensée au milieu de vous que Christ est Christ crucifié. C'est lui qu'on annonce, le Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qu'on a cru. Donc, ce ministère, si ce service, il fait de temps en temps qu'il y a de la convoitise, de temps en temps que les gens commencent à challenger l'esprit de Dieu. Moïse ne s'est jamais appelé. Aaron ne s'est jamais désigné. La Bible déclare dans ce livre d'Hébreu que nul ne s'érige cette dignité comme le fils d'Aaron. Mais parce qu'il avait été appelé de Dieu. Donc, les vocations célestes, le service pour rendre service à Dieu, il faut avoir été désigné de ces charges-là. Si ce n'est pas comme ça quitté. Alors, je vous pose, mesdames, d'où vient-il qu'il y ait les anciennes de l'église, les femmes anciennes au milieu de l'église? Il veut qu'on me réponde. Vous avez entendu qu'il y a les femmes anciennes? À l'église évangélique, il y en a, non? Juste parce qu'il y a les chefs des chefs, il y a arches anciennes. Je pose la question. Vous avez vu celle-là dans les Écritures? Alors, si ça ne se trouve pas dans les Écritures, d'où est-ce que c'est? Et maintenant, si ça ne se trouve pas dans les Écritures, on prend une charge, on dit qu'on a desservi le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a ordonné cela? Et Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 16, il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit que vous les pasteurs, vous bâtirez mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Donc c'est lui qui bâtit. Quelqu'un fait dans son règlement intérieur. Il croit que comme il a fait des choses bien là, Dieu va comprendre cela. Dans Apocalypse chapitre 19, chapitre 22, versets 18 et 19. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles des livres de ces prophéties. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des flots décrits dans ces livres. C'est ça, frère? Si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, pas vrai? Donc, la Bible est faite l'ancien, comme c'est écrit là, qu'on n'y ajoute rien, on n'y retranche rien. Vous suivez, n'est-ce pas? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, le verset 5 et 6, il n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Si tu ajoutes quelque chose à ses paroles, donc quand la parole de Dieu est dite, c'est comme ça que ça doit être obéi. Vous suivez? Dans le psaume 119, le verset 4, il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Puis il répond « En se dirigeant d'après ta parole. » Et dans ce psaume 119, il dit que tes commandements sont purs. Elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alors, si les choses de Dieu sont pures, Dieu a dressé ces choses-là, comment un être humain va venir ajouter quelque chose sur ça, sur quelle base? Pour que ça fasse quoi à l'humain? Donc, tout ajout que l'homme fait est un cancer pour, sur l'œuvre de Dieu. Tout ajout. Le vrai problème, c'est que les gens ne voient pas voir le mal qu'il y a à cela. Le mal, c'est que tout ce qui vient de là, ne vient pas de Dieu, a pour inspiration les démons. Parce que la Bible a dit que au dernier temps, plusieurs viendront enseigner les doctrines des démons. Donc, il va enseigner véritablement les bonnes choses. Parce que le démon ne va pas venir dire « Non, jusqu'à ce n'est pas Seigneur, il n'est pas Dieu. » Non, non. Il ne va pas dire cela comme ça jusqu'à ce point-là. Il ne va pas dire que c'est Satan qui a été crucifié. Non, il ne va pas dire cela. Il va injecter des choses. Par exemple, l'une des doctrines que le Saint-Esprit nous dévoile dans le livre de Timothée, c'est qu'ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Ils vont prescrire que non, non, nous ne nous marions pas ici. Vous avez vu une église qui dit ça, non? Oui. Que nous, les prêtres, nous ne nous marions. La Bible a écrit littéralement que ce sont les doctrines démoniaques. C'est pas ce qu'il écrit? Voilà. La Bible va plus loin encore en disant que plusieurs vont venir en ces temps-ci enseignant ceux qui ont la démangeaison d'enchant des choses agréables. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Ton mariage que Satan bloquait, je débloque ça aujourd'hui au nom de Jésus. Mais en entrant là-bas, vous achetez un litre de 2000. Vous mettez vos noms sur le cahier. On ne vient pas sur le serviteur de Dieu, le main vide. Vous venez avec l'enveloppe. On vous distribue l'enveloppe pour être sûr que ce ne sont pas les pièces qui se trouvent dedans. Parce que s'il y a les billets dedans, c'est au moins 500. Pas vrai? C'est ça l'église d'aujourd'hui, là, maintenant. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit dans la Bible? Non, non. Ok. Lorsque vous allez sortir d'ici comme ça, vos têtes vont tourner comme ça, 460 degrés. Quand vous allez vous asseoir maintenant, ou bien vous vous compromettez avec la vérité, ou bien vous suivez la vérité, et subissez la conséquence de tous ceux qui suivent la vérité. Notez Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3. Livre d'Esther. Esther, vous avez noté, n'est-ce pas? Notez Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19 à 29. Vous avez noté? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 19 à 29. Vous avez noté? Donc, c'est la fougue de ceux qui suivent la vérité. Voilà ce qui leur arrive. On va revenir sur Esther, chapitre 3. Alors, lorsque Moïse se positionne devant le Seigneur, il reçoit les ordres du Seigneur, il vient, il dit, ainsi parle le Seigneur, comme on a dit, c'est Deutéronome, chapitre 4. Il leur a dit que voici ce que Dieu a dit qu'on enseigne au peuple. On dit au peuple que les lois que je vous ai données, les prescriptions, les commandements que je vous ai donnés, ça doit être quoi? Reçu comme ça et pratiqué tel que je vous ai donné. À un moment donné, si vous lisez votre livre des Nombres, vous allez voir, quelqu'un va aller voir Abiram. Il dit, Abiram, tu es lévite ou tu n'es pas lévite? Il dit, je suis lévite. Toi, tu es lévite ou tu n'es pas lévite? Il dit, je suis lévite. Il conseille des groupes comme ça là. Il vient devant Moïse. Il vient confronter Moïse. Il dit, Moïse, est-ce que c'est toi, Dieu, que Dieu parle seulement à toi? Toute l'assemblée de Dieu est sainte. Qu'est-ce qu'il y a que tu te lèves de ce nom? À cet instant-là, il vient de confronter Dieu. Parce que Dieu ne l'a pas établi. Dieu ne l'a pas établi. Dieu a appelé Moïse, il y a une commission. Moïse est descendu en disant, avec ainsi parle l'Éternel. Lui n'a jamais été appelé. Mais la convoitise de la chair a fait le temps, c'est qu'il sollicitait la position de Moïse. Il aurait souhaité que Dieu puisse parler par lui. Mais Dieu n'a que fait des gens des orgueilleux. La Bible déclare que c'est l'humilité qui précède la gloire. Alors quand il a fait cela, il a dit que toute l'assemblée est sainte. Quand il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Subitement, il y a eu division au milieu de l'assemblée. Les gens étaient pour lui. Donc même si quelqu'un vient dire que la fleur, ce que tu mets sur la table, là, c'est ton Dieu, il y a des gens au moins qui vont croire à ça. Vous savez ça, pas vrai? Vous pensez là, vous passez au sanctuaire Marie. On dit que Marie a apparu en volée. Vous allez là-bas maintenant. Marie est encore là-bas. On a fait une statuette, non? On a pris quelqu'un qui fait le ciment, pas vrai? Il est venu là-bas, il a fait ce ciment-là. Ça a séché. Le peintre vient mettre la peinture sur ça. Les femmes viennent s'asseoir et disent que Marie, c'est le ciment-là qui est Marie. On ne voit pas que quelque chose ne va pas. Donc, même si on dit que la fleur, si maintenant, c'est ça qui t'a racheté, on va dire, il y a des gens qui vont dire que oui, je crois. Il y a des gens qui marchent pas avec la chaussure. D'autres personnes qui marchent avec les habits, avec les écritures, en disant que non, nous marchons ça avec les écritures. Donc, il est devenu le linteau de porte. Dieu avait dit qu'on écrit sur les linteaux de porte, il met plutôt sur ses habits. D'autres marchent pieds nus maintenant. On dit que c'est quoi la terre sur laquelle tu es saine. On dit que c'est la montagne de Sinaï. Donc, il a droit là, c'est saine. Là, il y a la terre est saine. Vous voyez là où les êtres humains se sont retrouvés? Il marche comme ça. Quand la bouteille va le piquer, il va dire que c'est la persécution. Amen. Amen. Mais les autres personnes n'importe seulement le blanc avec la corde rouge sur ça. Tu dis c'est quoi? Il dit que non, nous sommes les blancs, blancs, blancs. La Bible, Jésus n'a pas dit que porter les habits blancs, c'est pas ça dont il parle. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, là, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. J'ai défacé le point son nom devant le, dans le livre de mon père. Pas vrai? Donc c'est lui qui t'a donné le vêtement blanc. Le vêtement blanc, ce n'est pas le vêtement qu'on porte à l'extérieur. Ce n'est pas cela. C'est les œuvres justes. Ta vie doit être exempte de péché. Donc les gens portent comme ça à l'intérieur. Il y a le couteau dedans. Quand il l'enlève, tu vois sa vraie nature. Que Dieu nous en préserve. Pas vrai, frère? Amen. Abiram et Corée sont approchés là-bas. Il y a deux camps. Moïse est tenu là-bas. Écoutez bien la parole du prophète. Il n'a pas dit que ceux qui sont pour moi. Non, parce qu'il ne s'agit pas de lui. Il a dit ceux qui sont pour l'éternel, passez derrière moi. Amen. Amen. J'aime ça. Alors je vous le dis maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes pour l'écriture, pour le Seigneur Jésus-Christ, restez dans l'écriture. Si quelqu'un avance un pas, vous dit quelque chose qui n'est pas confirmé dans l'écriture, éloignez-vous-en. Même si ça semble être bon, même si ça semble être vrai, il faut que ça soit aligné avec les écritures sans en contredire un seul passage. Si ça contredit un seul passage, mettez ça de côté. Vous saisissez, n'est-ce pas? Moïse est tenu là-bas, il a dit. Ceux qui sont pour l'éternel, ici à côté. Puis il s'est mis là-bas, il a dit, avec l'ainsi par l'éternel, il a dit que si ces hommes-ci descendent de la terre, comme tous les hommes descendent, c'est que la Bible dit qu'ils n'avaient pas fini de parler, que la terre ouvrait sa bouche, ils sont entrés. Et ceux qui entrent n'entrent pas seuls. Il suffit que le frère, c'est les enfants, et qu'il ait les enfants et les petits-enfants, et que les enfants sont allés jouer quelque part. Lorsque lui, il entre, les enfants là entrent là-bas. Imaginez ce que ça peut faire. Toutes leurs maisons, leurs biens disparaissaient. Pas, Dieu a fermé. On ne challenge pas Dieu et sortir libre. On ne peut pas challenger. Ça, c'est sous la loi. Dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit quoi, verset 28, que si sous la loi, les gens meurent sur la déposition de deux ou de trois témoins, de quel pire châtiment penserez-vous sera jugé digne celui qui aura outragé le sang de Jésus-Christ, l'esprit de grâce par lequel il a été lavé là. Donc faisons attention. Donc on est entré dans le confort de nos dénominations. On est entré dans le confort de nos systèmes religieux au point où, quand la vérité sort, ça semble être bizarre. Parce qu'on dit que c'est ça, parce que ça semble être nouvelle. Comme c'est nouveau, on dit que non, pourquoi il fait comme ça? Après, on sort de la Bible, on dit que tu veux me dire que le grand pasteur là, que je connais depuis là comme ça, n'essaie pas Dieu, qu'il soit grand comme cette maison-ci, avec son ventre boulimique, n'importe comment. Dieu n'a que faire de cela. Satan n'a que faire de cela. Satan, ce qui le fait le trembler, c'est il est écrit. C'est ça. Et le Seigneur jusqu'à dit que si quelqu'un me rejette, il a son juge. C'est la parole qu'il va annoncer. Sur quelle base donc tu vas te présenter devant Dieu? Que Seigneur, j'avais prêché dans mon église que n'importe qui peut vivre, n'importe quoi, que tu es sur la grâce. Il va dire qu'en fait, mon écriture déclare que la grâce enseigne à fuir les convoitises du monde. Comment tu vas t'en sortir devant le Seigneur avec ça? Comment? Parce qu'il est écrit que si tu as la grâce, tu dois comprendre qu'on doit vivre hors de ce monde-ci. La grâce nous enseigne. La grâce a un enseignement. Il y a un enseignement derrière la grâce. Que comme vous avez eu grâce, le fait que vous étiez coupable, on vous a déculpabilisé. Maintenant, vivez en conséquence de cette vie-là. Vous suivez, frère? C'est ce que Dieu veut que nous vivons. C'est ce que Dieu veut qu'on vive. Donc, je pose encore la question. Qui suis-tu depuis? Il y a des gens donc, qui aiment ce confort-là, aiment les postes au milieu de l'assemblée. Et les pasteurs connaissent cela. Quand ils regardent dans les registres, ils ont les agents secrets au milieu de l'assemblée. Enfin, pour d'autres, ils ne se cachent plus. Quand tu viens, on te donne une liste avec nom. Nom, prénom, lieu de naissance, ainsi de suite. Profession, salaire mensuel. Qu'est-ce que l'église a à voir avec ton salaire mensuel? Qu'est-ce que l'église a à voir là-dedans? Pour faire le calcul de tous les salariés. Donc, si vous êtes 5 ici, là, qui travaillez, chacun 800, on fait 800 divisé par 10. Ça fait combien là, frère? 80 000. Donc, 80 000 fois 10, ils ont 800 000 francs qui sont sûrs que les personnes vont venir chaque fin de mois pour les dîmes. Alors, quand il manque, ils ont d'autres gens qui ont pressé les carnets de dîmes. Quand tu es fidèle, on dit que waouh, celui-ci est fidèle au Seigneur. En fait, ce n'est pas au Seigneur, c'est à son ventre. Parce que le jour où tu ne donnes pas, il te commande. Quand tu dis que Dieu est fâché de toi, hein? Dieu est fâché de toi. Celui qui est fâché, c'est Dieu qui est fâché. Ah, que Dieu vienne nous enlever des systèmes humains. Il faut qu'on se pose des questions, n'est-ce pas? L'apôtre Paul donc dit que dans ses 1 Corinthiens chapitre 4, nous avons lu aujourd'hui verset 17, il dit que pour cette raison, il a envoyé Timothée, qui est son enfant dans la foi, qui va leur enseigner, leur montrer quelle voie il suit et ce qu'il enseigne dans toutes les assemblées. Alors, une doctrine que l'apôtre Paul prêche quelque part, c'est la même doctrine qui est prêchée quelque part d'autre. Pas vrai? Même si la Bible ne le relaie pas. Même si la Bible n'a plus besoin de faire des répétitions là-dessus. Je prends un exemple simple. Qui connaît ici les femmes qui enseignent? N'ayez pas honte, d'accord? Qui parmi vous connaît les femmes qui sont pasteurs? Vous connaissez? Même si c'est vous-même qui ici, là, moi je m'en fous. Je suis ici derrière la parole. On est d'accord, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Nous avons convenu une chose. Pendant que vous ouvrez, je vais mettre le paquet pour que vous n'oubliez pas ce qu'on a de lire depuis. Nous avons lu dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 16, que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Au chapitre 15, nous avons vu au verset 1 au verset 5, puis le verset 10 au verset 11, nous avons vu que ce soit eux, que ce soit nous, que ce soit moi, c'est ça que nous prêchons. Donc ils prêchent la même doctrine. Nous avons vu dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 17, qu'il enseigne la Timothée pas pour relayer les mêmes enseignements, de la même façon comme il enseigne à toutes les assemblées. Donc fondamentalement, toutes les églises néo-testamentaires avaient les mêmes enseignements. Nous sommes d'accord là-dessus. Chapitre 14, verset 33. Allons-y, mon frère. Verset 33. Verset 33. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Oui. Mais de paix. Oui. Mm-hmm. Comme à l'église catholique. Allons-y. Oui. Comme dans toutes les églises des saints. Là, ta version, c'est ça. Oui. Ta version aussi, c'est ça. Là-bas, c'est ça. Verset 33. Comme dans toutes les églises. Non. Peuple de Dieu. Ah, peuple de Dieu. Allons-y ici. C'est quoi l'église? Comme dans toutes les églises pentecôtistes, c'est ça? Non. C'est écrit quoi, frère? L'église de Dieu. Non. Ok, c'est celui qui était à l'évangélique. Comme dans toutes les églises évangéliques. Des saints. Des saints. Ok, maintenant. Restons sur cette phrase-là. Comme dans toutes les églises des saints. Laquelle? Je crois qu'à mon temps de l'heure, on a vu là-bas que Nuit des Miracles, c'est quoi là, en bas là-bas? Oui. De l'autre côté là-bas, il y a l'église protestante, il y a la deuxième cathédrale par là-bas. Laquelle de... On parle de qui là maintenant? Vous me suivez? Il dit, dans ce verset, si on veut s'adresser à qui? On a dit église catholique, non. Protestant, non. Pentecôtiste, non. Luthérien, église céleste, à partir du septième jour. Mais Jésus connaît son église à lui. Parce qu'il n'a pas dit que je vais bâtir l'église catholique. Il n'a pas dit que je vais bâtir l'église protestante. Il n'a pas dit que je vais bâtir quelque église que ce soit. Il a dit que je bâtirai mon église. Donc, gardons-nous à l'esprit que le Seigneur Jésus parle de son église ici. Il dit comme dans toutes les églises des saints. Puis il dit que les femmes, c'était dans les assemblées. Donc, les églises du Seigneur Jésus sont disséminées sur la terre. Et dans toutes ces églises-là, là où le Timothée part enseigner, là, ils enseignent cela que les femmes se taisent. Donc, si tu vois là où les femmes ne se taisent pas, il ne s'agit pas de l'église des saints. N'ayez pas honte, d'accord? C'est la conséquence directe. Donc, là, toutes les églises des saints, l'ordre leur est donné de se taire. Puis il continue, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises aussi, comme le dit aussi la loi. Puis il dit, est-ce de chez vous que la parole est venue ou bien c'est de chez vous que c'est sorti? Verset 34, verset 37, il dit, si quelqu'un croit être prophète, oui, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et s'il l'ignore, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Maintenant, que vous ensemble, avec ceci, j'ai remarqué que j'ai sauté ça, verset 37, on va revenir là-bas. Que vous ensemble, donc maintenant, pour ceux qui vont s'asseoir quelque part, une femme est pasteuse, d'autres, elle consacre même les autres maintenant, prophétesse, avec les lèvres comme ça, bizarre. Maintenant, vous avez votre pasteur qui est femme, et la Bible vous dit là-bas qu'elle ne peut pas enseigner. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes dans quelle église? L'église du Seigneur ou l'église de cette femme-là? Vous dites donc comment? Même si c'est votre fille, dites-lui que ce n'est pas sa place, qu'elle quitte. D'accord, frère? Dites que c'est... Oui. Oui, mais ça commence à parler. J'ai dit de le dire pas. Bon, prenons le... Oui, frère. C'est là que je me retrouve par la lettre de Galates. Oui. C'est Galates chapitre 3, verset 28. J'arrive. Maintenant, ici il dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises aussi comme le dit aussi la loi. Donc il veut dire la loi le dit. Parce qu'en réalité, si vous regardez le sacerdoce, où on a lu dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucune femme qui servait au temple. Aucune femme n'était invitée au service de Dieu là-bas. Mais pourtant, ils étaient reconnus dans la tribu d'Israël. Donc la femme a sa place, premièrement, qu'elle soit dans le silence. Dieu ne l'a pas appelé à la prédication. Ouais, n'est-ce pas? Puis il dit ici que si elle veut s'interroger sur quoi que ce soit dans la maison, je suis dans 1 Corinthiens 14 là, qu'elle interroge le mari à la maison. Puis il dit, car il est malséant pour une femme de parler dans l'église. Vous entendez cela? C'est le Saint-Esprit qui dit, et puis il dit, c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Lèvez la main tous ceux qui aiment le Seigneur ici. Ça c'est clair, que tout le monde va lever la main. Ok. Mettez le doigt là-bas, lisons Jean chapitre 14. Jean chapitre. Mais toi, tu n'as pas de Bible, toi? Ah si, Nouveau Testament ici. Prends-en. Oui, il y en a plein ici. Que Dieu bénisse cette maison. Que Dieu bénisse cette maison avec tous ceux qui s'y trouvent. si s'y trouvent les enfants de paix ici, que la paix de Christ demeure sur eux. Et que toute personne qui entrera dans cette maison-ci, que la paix de Christ vienne sur eux. Oui. Que n'importe qui, si quelqu'un vit avec des pensées bizarres, les pensées de l'ennemi, lorsqu'il franchit ses seuils de ses portes, c'est que cette pensée-là tombe dehors. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit quel livre déjà? Jean 14. Jean 14. Frère, prends le verset 23. Oui. Jean 14, verset 23. Oui. Si quelqu'un m'aime, oui, il gardera ma parole. Stoppons là-bas. Il dit si quelqu'un aime, il va faire quoi? Et nous avons, j'ai cité aujourd'hui Galates chapitre 1, le verset 11 et suivant, que l'apôtre Paul a dit que ce qu'il a prêché, ce n'est pas de lui, il n'a pas appris, c'est Jésus qui lui a dit. Et au chapitre 14, il dit que c'est un commandement du Seigneur. Donc, en réalité, est-ce l'apôtre Paul qui est en train de dire que la femme ne doit pas enseigner ou bien c'est Jésus? C'est Jésus. Maintenant, que vous ensemble maintenant, si une femme te dit que j'ai reçu cette commission de Jésus. Ça peut être pourquoi? Donc Jésus dit que c'est un commandement. Ne forniquez pas. Après, tu dis que non, je suis forniqué parce que Jésus m'a réveillé et qu'il n'a pas forniqué. C'est ça? C'est pas dans ce sens. C'est pas dans ce sens. Ok, quel sens alors, frère? Je me pose la question, si une femme est prophétesse, oui, ne peut-elle pas s'élever à l'assemblée, rendre ministre? Donc quand Dieu avait dit cela dans le commandement, il avait oublié que la femme pouvait être prophétesse alors. Et puis il avait oublié cette option-là. Je ne sais pas parce qu'on peut exclure aussi que les femmes soient prophétesses. Parce que bon, c'est bon. Elle est prophétesse, comment est-ce qu'elle va? C'est bon. Vous voyez que les questions commencent à sortir, non? Tu as ta Bible devant toi, n'est-ce pas, frère? Tu as le Nouveau Testament entièrement. Montre-moi une prophétesse dans le Nouveau Testament. Une. S'il a le nom, qu'il nous en donne, pas vrai? Dis à ton voisin, il est écrit. Voilà. Donne-nous, il est écrit donc. Montre-moi une prophétesse. Il n'y en a pas. Alors, maintenant, s'il n'y en a pas, sur quel vous me posez la question. Il se base donc sur quoi? Non, attends, on va prendre la maman. Il sait où elle va venir. Il n'a pas venu. L'Ancien Testament nous parle de prophétesse. Tu es sous la nouvelle alliance de l'Ancien. Quoi, c'était l'ombre des choses à venir. Ah, c'était l'ombre des choses à venir. Dans le Nouveau Testament, pas entouré. Par exemple, le ministère des prophétesses dans l'Ancien Testament se typifiait quoi dans le Nouveau Testament? Comme c'était l'ombre. Donc, il y a la réalité. Allons-y. Ça veut dire qu'elle peut vous appeler. Non, c'est vrai, on dit que cette prophétesse-là a été l'image de l'épouse de Christ qu'est l'Église. L'Église, c'est un féminin, d'accord? C'est suffisant. Maintenant, allons-y dans le Nouveau Testament. Vous y êtes maintenant, là? Ah, vous voyez que c'est répondu là-bas. Alors maintenant, ça va, n'est-ce pas? Voilà. Parce que je la voyais, elle voulait même m'amener dans cet endroit, m'embrouiller là-bas. Qui a dévoré, écoute. Maintenant, Galates chapitre 3, le verset 28. Il est écrit, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est ça que vous voulez venir. Ouvre donc chapitre 3, je t'ai aidé là maintenant. C'est au verset 28. Souligne, mais c'est le souligne d'abord, comme ça, la prochaine fois, je n'ai plus raté. Verset 28, lis-nous ça. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, oui, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tu voulais par là dire? Que s'il n'y a plus ni homme ni femme, ça veut dire que si une femme se lève pour grand ministère, tu la considères comme un enfant. Dépose ta Bible là-bas. Qui a écrit Galates là? C'est Paul. C'est Paul. Qui a écrit 1 Corinthiens? Paul. Il peut dire une chose, si tu le concret là-bas. Tous les hommes ici, levez-vous. Tous les hommes. Ok, asseyez-vous. Toutes les femmes, levez-vous. Asseyez-vous. Toi, tu t'es levé dans quelle catégorie? On a dit là-bas quoi? Dans ce cas, si il dit que qui est homme, tu te lèves. Si qui est femme, tu te lèves. Puisqu'il n'y a ni homme, ni femme. Mais on vient de distinguer qu'il y a une distinction entre l'homme et la femme. Parce que le plan spirituel qui a. Il dit que sur le plan spirituel, alors suis bien. Sur le plan spirituel, effectivement, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Mais nous sommes sur le plan charnel. L'Église est charnelle sur la terre. Les commandements sont charnels sur la terre. Donc c'est charnel qu'on a dit de parler là. Qu'est-ce que tu en dis, frère? Ça va. Ça va. Vous savez, le simple fait qu'il veut dire quelque chose, il dit qu'en fait, tu allais vouloir parler de tes passages, devrait le faire frémir et le faire retenir sa question. Vous ne pouvez pas forcément vous mettre debout, commencer à parler comme ça d'une chose de l'écriture et que ce soit aligné et qu'il est certainement oublié qu'il y a telle écriture qui dit telle chose. L'apôtre Paul de parler là du salut. Tu es sauvé par la grâce en Jésus-Christ. La femme là est sauvée en grâce de la Jésus-Christ. Donc, dans ce sens-là, il n'y a plus de pas différent entre elle et toi. Tous entrent de la même façon dans le salut. Amen. C'est ça dont il est question. Les Grecs et les Juifs n'avaient pas la même part aux lois. dans Éphésiens chapitre 2, il dit qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui sont proches. C'était les juifs qui étaient proches de Dieu parce qu'ils avaient la loi de Dieu. Et à vous qui êtes loin, parce que les païens n'avaient pas la loi de Dieu. Il dit qu'en ce temps-là, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Mais par le sang de Christ, par le corps de sa chair, des deux, il en a fait une seule, en un seul corps. Donc dans ces cas-là, le grec et le juif ont un seul Seigneur, de la même façon. Mais aujourd'hui, toujours, il y a la nation grecque, il y a les juifs physiques. C'est ça dont il parle, dont il est question, d'accord? Voilà. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 17, si vous lisez, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur l'église, l'apôtre Paul Pierre va prendre la parole. Et il va dire, c'était ce que Joël, chapitre 2, verset 28, dit. Il dit que ces hommes-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car ce n'est que la 9e heure. Mais c'est ici que c'est qu'a dit le prophète Joël. Au dernier jour, je verserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieux auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servants, en ce jour-là, je verserai mon esprit. Vous fermez les téléphones, Je verserai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, voilà le verset. C'est l'un des versets que j'ai juste pour dire que voici, la Bible déclare qu'il va verser son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Toi, tu es chrétienne, n'est-ce pas? Tu as déjà prophétisé. Donc, il y a un problème là, parce qu'on a dit que je verserai mon esprit sur tous vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes d'accord, quand tu as des songes, on appuie seulement ton cou, non? C'est pas ça, frère. Il a dit les songes là, on va appuyer le cou des gens là-bas. Mais il a dit là-bas que vos fils et vos filles prophétiseront. Je lui ai dit, voici un autre passage en dehors de Galates chapitre 3 que vous utilisez. Quand on a dit que les fils et les filles vont prophétiser. Ok, prophétiser veut dire que tu es prophète. Alors maintenant, ça veut dire que ce passage-là ne veut pas dire que quelqu'un est prophète. Pas vrai? Voilà. Donc, il faut laisser l'écriture. Donc, la Bible déclare que, comme dans toutes les églises de Dieu, que les femmes se taisent, car il ne leur a pas permis d'y parler. Mais dans 1 Corinthiens 14, il a réglé au verset 28, 29, le cas des prophètes là-bas. Parce qu'il a parlé au verset 26, il a dit, que fait le frère lorsque vous assemblez? Quelqu'un parmi vous a-t-il des cantiques, une exhortation, que tout se passe en silence. Pas vrai? Je crois que ceci, il n'est pas vrai. Que lorsque vous rassemblez au verset 26 de 1 Corinthiens 14, que chacun donne ceci, chacun n'apporte ce qu'il a, n'est-ce pas? Puis il dit que pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois ou plus parlent, n'est-ce pas? Et que les autres jugent. Donc il a réglé tout. Dans 1 Corinthiens 14, on règle tout. Parler en langue, les dons spirituels, tout est réglé là-bas. Mais aujourd'hui, l'église pentecôtiste, c'est un problème. Alors dans Actes chapitre 1 déjà, vous avez remarqué que quand Jésus est monté au ciel, ils sont restés, la Bible déclare qu'ils sont entrés, ils étaient près de 120 dans la chambre haute. Là-bas, au milieu, il y avait la mère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait les petites sœurs de Jésus. Il y avait le mari de Magdalène qui avait suivi Jésus. Ils étaient dans la chambre lorsque le Saint-Esprit est venu sur elle, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux montrer un seul endroit où ils sont sortis pour aller prêcher avec le Saint-Esprit là? Il y en a un seul endroit qu'on parle. Donc, quand la Bible s'éteint, il faut qu'on ferme nos soupapes. D'accord? Si la Bible s'éteint, qu'on s'éteint. Si la Bible parle, il faut qu'on parle là où la Bible a parlé. Et c'est limité là où la Bible a parlé. D'accord, frère? On peut avancer dans notre écriture, dans notre passage de l'écriture, n'est-ce pas? Je vous ai donné aujourd'hui Esdras au chapitre 3, n'est-ce pas? Esther chapitre 3, c'est ça? Sur les yeux du livre d'Esther au chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible déclare que le roi Azurius a élevé Aman à un poste de responsabilité avec son trône plus haut que le trône de tous les autres qui étaient dans ses compagnies. À l'instant où il a fait comme ça, la Bible déclare exactement que, je voudrais souhaiter passer du temps pour parler dans le livre d'Esther de l'église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ avec les églisettes. À l'instant où il a fait cela, il a déclaré à toute personne qu'on devait fléchir les genoux devant Aman lorsqu'il passerait. Mais il y avait un là, un juif, nommé Mardoché. La Bible déclare qu'il ne faisait pas cas d'Aman. Quand Aman passait, on fait un peu, tout le monde se mettait à genoux. Il ne regardait même pas. Il guette lui par Islam, cela. La Bible déclare que la tension de Aman montait. Puis il est venu voir le roi. Il savait qu'on dit qu'on lui avait fait donner le compte rendu qu'il était juif. Vous savez, dans le livre d'Esther, il n'y a pas le nom de Dieu là-dedans. On ne dit pas que c'est le peuple de Dieu, on dit que parce qu'il était juif. Comme il était juif, ça a remonté jusqu'à Aman. Aman est allé voir le roi en disant, suivez, je veux que vous suivez attentivement. Il dit qu'il y a un peuple au milieu de ton peuple qui sont un peuple à part, qui ne respectent point ton loi. Ils ont leurs lois à part. C'est ce que l'église devrait être. Sa constitution devait être à pas. L'église doit être dirigée par sa constitution céleste qu'on a envoyée ici, la Bible. Vous suivez? Donc, Aman a dit que ce peuple-ci ne respecte pas tes lois. Parce que le décret royal dit que quand Aman passe, tout le monde se fléchit les genoux. C'est le roi qui dit. Et maintenant, la Bible déclare dans Romains chapitre 13 qu'il faut qu'on soit soumis aux autorités établies. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une autorité qui est établie. Il signe un décret où on doit fléchir le genou. Un juif dit qu'il ne se fléchit pas le genou parce que c'est contraire à sa loi. Même dans voisin aujourd'hui, si on dit homosexualité dans l'église, enfin, vous voyez que les pasteurs eux-mêmes sont homosexuels aujourd'hui. Les pasteurs couchent avec les femmes d'autrui, pas vrai? Bagarre, tue les gens, les pasteurs sorciers au milieu de l'église, mais prends la Bible, mets sur la pupitre pour prêcher. Or, l'église devait être un peuple. C'est donc c'est même la définition de l'église. Ecclésia, ça veut dire que appelé hors de. L'église est l'ensemble de peuples qui sont appelés hors de, nettoyés par le sang du Seigneur Jésus pour être mis à part, sanctifiés pour sa gloire. C'est ça l'église. Alors maintenant, aujourd'hui, les mêmes musiques du monde, ça se trouve au milieu de l'église. Les mêmes styles de danse mondiale, les mêmes comportements, les mêmes habillements, les mêmes attroupements mondiaux se trouvent au milieu de l'église. Il faut qu'on se repente. Il faut qu'on se repente. Aman a continué, il a demandé un édit royal. Il a dit que je vais te donner 10 000 talents d'argent si tu me permets de détruire ce peuple. Le roi Assuré a dit que qu'est-ce que pour moi quoi? C'est pour dire quoi? Que lorsque l'église va tenir ferme dans la position de Christ, la persécution va venir. Il dit, j'aurais souhaité passer le temps dans le destin pour expliquer ces choses-ci. La persécution doit venir lorsque, notez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le verset 18 à 22. Ha. Notez Jean chapitre 16, maintenant verset 1 à 3. Dans ce Jean chapitre 15, le Seigneur a dit, le Seigneur Jésus a dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a d'abord haï. Le monde aimerait ce qui est à lui. Parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, le monde hait l'Église? Donc l'Église fait les mêmes choses que le monde. Parce que la sainteté, la ligne rouge qui contraste entre la sainteté et l'impureté fait de telle sorte que vos vies jugent automatiquement les autres. Ils vont commencer à dire, va créer ta terre dont tu as juste d'ici. Même Jésus même est venu sur la terre, ça n'a pas laissé, on l'a tué, il a fui, il est parti. Il ne viendra même jamais sur la terre. Toi, tu crois même que tu es quoi que tu es plus saint que qui? Même l'homme le plus sérieux a au moins une fille dehors. Voilà les choses que le monde dit, parce que c'est la part du monde. Mais au milieu de l'église, c'est rare de voir quelqu'un qui dit, je suis saint. Même le pasteur dit que nul n'est saint ici. Le pasteur dit que nul n'est saint ici dehors. Il veut parler, dire que lui n'est pas saint. Il est dans le camp des impurs. Mais l'apôtre Paul a dit là-bas, comme dans toutes les églises des saints. Vous entendez ça? Dans toutes les églises des saints. Le Seigneur dit dans 1 Pierre, il dit que je suis saint, vous serez saint. Recherchez la sanctification et la paix. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. C'est ce qui est écrit. Mais un être humain dit que non, personne ne peut être saint. Nous ne peut être saint. Chacun a son péché mignon. Donc il y a un péché comme si ce n'est pas les autres. L'autre là, tu dois garder que mignon pité, mignon péché, mignon péché. C'est ce que les gens doivent faire. Et c'est ce qu'on enseigne au milieu de l'église aujourd'hui. Vous suivez? Alors, Mardochée. Souvenez-vous de ceci. La personnalité devant qui on devait se prosterner était le deuxième du gouvernement. Un peu comme un édit du président sort aujourd'hui que quand le premier ministre passe, tout le monde se couche à terre. C'est qu'avant que ça ne commence, les pasteurs qui vont prier là-bas vont d'abord coucher que le premier ministre marche même que sur nous avant de passer. Parce que quand il va marcher, en sortant, il va sortir les laisses d'argent. L'église des compromissions. Alors maintenant, quand deux ou trois personnes vont tenir debout, on dit que tu penses que tu es qui? Ils ont la force de maintenir. Il y a les billes dehors, il y a les policiers, ils vont te taper. Écoutez, nous n'avons point ici bas de cité permanent. Vous entendez cela? Je veux seulement vous montrer quelque chose par rapport aux croyances. Ce que tu crois détermine ta position lorsque les persécutions arrivent. Si vous êtes prêt, vous vivez dans la compromission, dans le péché. Si on dit qu'il y a quelque chose, tu vas dire que même si l'apôtre Pierre avait régné jusqu'à après Jésus qui l'a pardonné. Tu vas commencer à chercher les versets bibliques pour essayer de pécher là, croyant que Jésus va venir. En fait, pour lui, Jésus est venu, on a vu ça dans la Bible. Pour toi, tu es sûr. Déjà que même quand tu n'es pas persécuté, tu pries même, tu n'entends même pas sa voix. Donc tu ne sais même pas si tu es restauré ou pas. Dis à ton voisin, fais attention. Mardochée, c'est pendant que les gens se prosternent, Mardochée regarde comme ça, il tourne le visage. La colère de Haman montait, il est allé voir le roi, il lui dit, je vais te peser 10 000 talents d'argent. Donne-moi seulement le décret que tu tues ce peuple juif. Donc à cause de l'acte d'une seule personne qui a tenu ferme pour la loi de son Dieu, on a décidé de sortir un décret pour anéantir ce peuple. Je veux que vous voyez ce qui est venu sur l'église. Et Jésus a dit que ce sont vos frères même qui vont vous livrer. L'autre va dire que oui, les sectes là, ils sont dans la maison de maman Fossi. Passez là-bas, en bas des missions catholiques, vous courez à droite, trouvez là-bas. Quand il va entrer, c'est vers la ceinture, pensez s'il dit que non, je n'étais pas ici, je suis venu rendre visite. Là, vous allez savoir vraiment qui sert le Seigneur, qui ne sert pas le Seigneur. Donc, mesurez qui vous servez. Dans Jean chapitre 16, qui vous est donné la verset 1 à 2, le Seigneur dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsqu'elles vont arriver, que vous ne vous troublez point. Il dit qu'ils vous excluront même des synagogues. Ils vous excluront. Venez, papa, viens t'asseoir ici. Ils vous excluront même des synagogues. Et il dit, l'heure vient où quiconque vous mettra en mort croira rendre un culte à Dieu. Vais entrer, maman. Vérifiez seulement que votre téléphone. Vous êtes bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vérifiez seulement que votre téléphone soit éteint. Donc, dans ce livre de 1, dans Jean chapitre 16, verset 1 et 2, le Seigneur qui dit ces choses afin que lorsqu'elles vont arriver, qu'il n'y ait pas une occasion de chute pour ses disciples. Il dit qu'ils vous excluront même de leur synagogue. Et leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Effectivement, c'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il avait la haine pour la tradition des anciens. Il a tapé le chrétien, tu dis que Jésus est mort et le ressuscité, tu l'as vu par où? On n'a pas. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne se révéler à lui. Il était sûr qu'il servait Dieu. Vous voyez la miséricorde du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, toute personne qui ne sait pas Dieu d'après la Bible est aveuglée. Toute personne qui ne sait pas Dieu d'après la Bible, avec la Bible, directement comme la Bible dit, est aveuglée. Parce que c'est la vérité. Et Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comment tu peux avoir la vérité ici? Les gens disent autre chose. On cherche les règlements intérieurs, comme on a dit ici, pour pouvoir soutenir. Comment on peut trouver des postes au milieu de l'assemblée qui ne se trouvent pas dans la Bible? Donc, le Seigneur a donné la fondation de l'Église. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens 3, 9 et autres, que vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous travaillons pour Dieu. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti de ce que chacun prenne garde, car aucune autre fondation ne peut être posée. Lorsque la fondation d'une maison est posée, on doit construire seulement la décision vient continuer. On ne peut payer d'autres fondations. Alors, si les fondations sont posées, vous voyez ça dans Actes des Apôtres, comment les disciples ont agi, il n'y a que autre chose d'étrange qu'on va mettre là-dessus. On va seulement construire la maison dans la continuation. D'accord, mes chers? Est-ce qu'on peut avancer maintenant d'un cran? Mardochée s'est avancé. Aman est allé prendre de l'argent. Donner ça au roi. Le roi l'a eu, déclare que le roi lui a donné son anneau. On a publié un édit. Il a mis son cachet. En ce mois de Nissan là-bas, on a dit que le 12e mois, qui est le mois de Nissan, tous les juifs devaient être détruits. Tous les juifs. Donc si tu étais juif, tu étais appelé à moi parce que vous êtes un peuple à part en tant que juif. Vous avez votre loi. Et notre loi est incompatible avec votre loi. Donc par conséquent, c'est vous qui êtes dans notre territoire. Jésus dit, je vous ai laissé dans le monde. Vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur Jésus a dit ça en quittant. Donc les juifs se trouvaient dans le territoire ennemi. Donc c'est à eux de respecter cette loi-là. Mais pourtant, ils sont là-bas. Le Seigneur avait dit dans la Bible, si vous lisez le Deutéronome chapitre 31 et 32, il dit que lorsque vous serez dans le pays, par suite de votre désobéissance, et je vous amènerai captif dans un pays, étant là-bas, si vous tournez votre cœur vers la loi de votre Père, vous vous souvenez de cette loi-là, vous vous marchez, je vais, même si vous êtes n'importe où, je vais vous envoyer chercher. Donc, même si le juif est où, il est censé obéir à la loi de Dieu. Et il se trouve donc dans un territoire où les lois qu'on vote là-bas ne sont pas les lois. Et il est tenu en tant que citoyen d'obéir. Alors, l'apôtre Paul, qui est dit dans Acte chapitre 4, verset 19, il dit, jugez-en vous-même s'il est préférable de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Voilà la position des véritables croyants. Voilà la position des croyants. Mais aujourd'hui, on est mixé avec l'État, mixé avec l'écuménisme au point où le président, vous voyez, dans les salles, les gens se glorifient aujourd'hui parce que tel ministre de notre église, tel gouverneur va dans notre église, il s'assoit là-bas avec les pinces de la rose croix. Il s'assoit là, il donne les collègues, il chante les cantiques. On ne peut pas leur dire que vous êtes dans le cercle, vous servez le diable parce qu'on dit là-bas, c'est le ministre de la justice, il va nous justifier. Il va nous justifier. Ah! S'il y a le ministre de la justice, il est juge jusqu'à notre avocat. D'accord? Alors, c'est cette compromission donc, qui a amené l'église à ce niveau où on se retrouve. Et par conséquent, chacun donc court vers le roi Assyrus pour prendre une portion de loi qui va le protéger de la persécution qui est censée venir. C'est ce que l'Église a fait. Il faut qu'on ait l'autorisation de l'État à fonctionner. Pour que l'État nous dise si il fonctionne bien, il fonctionne dans les normes. Parce que dans les normes, il faut que l'État sache ce que vous faites. Comment un charnel va savoir ce qu'un spirituel fait? Comment? Il faut qu'on m'explique. Il faut qu'on nous dise ce qui se passe dans vos activités. Dans mon activité, voici ce qui se passe. Il reste comme ça. Le Seigneur dit, ainsi parle le Seigneur, tu es guéri. Ok, si dit ainsi parle le Seigneur, tu es guéri, comment le gouvernement va comprendre ça? Essayez de m'expliquer comment vous expliquez ça dans les textes. Ah, vous dites, vous mettez le plan là-bas que nous sommes dans le full gospel, qu'il y a beaucoup d'évangiles ici. On entre à 20h, on sort à 21h. Et si le Saint-Esprit veut se manifester à 23h, il vient, il trouve quelqu'un. Non. Dis à ton voisin, sors des systèmes organisés. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, c'est ces choses qui ont amené les gens. Les gens ne comprennent pas que dans la Bible a déjà dit tout ce qu'on doit faire. Dans Proverbe chapitre 22, Le verset 17 à 22, il dit, n'ai-je pas déjà mis pour toi, par écrit, tout ce dont est nécessaire pour toi? Tout ce que j'ai, tous les conseils, des réflexions, ça a déjà mis par écrit. Il n'y a plus rien à penser. Vous ne pouvez pas penser en dehors de ce que Dieu a pensé. D'accord, mes frères? Donc l'écriture est totale, définitive. L'Apocalypse chapitre 1, verset 3, il dit que heureux ceux qui lisent, ceux qui écoutent la parole du livre de ces prophéties. Donc tu lis seulement, tu es heureux. Vous suivez, mes chers? Dans le psaume 1, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage se flétrit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Parce qu'il est près d'un courant d'eau, près de la parole. Comme le Seigneur avait dit dans ce livre, dans cette parabole-là, il dit que le royaume du ciel est semblable à un champ, ou un trésor caché dans un champ. L'homme qui trouve le trésor fait quoi? Va. Donc il y a une séparation qu'on doit faire. Va, vend tout ce qu'il possède et vient et achète ces champs-là. Pourquoi ces champs? Parce qu'il y a quoi là-dedans? Ah, je ne sais pas si on saisit. Alors, dans ce cas, il y a quoi de plus important que posséder la vie éternelle? Il y a donc quoi pour nous alors maintenant? De plus important que posséder la vie éternelle. C'est notre trésor là-bas. Ça veut dire que n'importe quoi qui nous distrait pour ne pas avoir ceci, on devrait couper ça, mettre ça de côté. Il faut que, pour qu'on puisse comprendre que, avant d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut la séparation. Le vrai problème, c'est que le Seigneur a vu certains disciples, il a dit que, lève-toi, suis-moi. Il dit, Seigneur, attends, il n'y a pas d'avoir construit la maison, c'est la tête de mon père au village, il pleut sur lui. On m'a dit chez les marabouts, là, que s'il pleut sur lui, là, même de la marche, il dit, laisse-les-moi enterrer les toi, va, annonce le royaume. Donc, l'autre dit, Seigneur, je vais te suivre, mais attends d'abord qu'il ne pas dire à mon père que, bah, si tu me voyais passer, que je suis avec le gars qui marche partout, il n'y a pas de maison là. Il a dit que celui qui met la main sur la charrue, regarde derrière, n'est pas fait pour le royaume. Donc, quand tu pars, tu pars. Remarquez bien, la femme de l'autre est partie. Elle dit, hé, avec Dieu, ce n'est pas deux côtés. Ou bien tu es avec lui, ou bien tu n'es pas avec lui. Quand elle s'est tournée, la colonne de sel. Pas vrai? Vous êtes prêts vraiment à avancer? On avance? Alors, question. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ monte après la gloire, après sa glorification à la croix, quand il monte, qu'est-ce qu'il a donné à l'Église comme autorité? Qu'est-ce qu'il a donné à l'Église comme pouvoir? A-t-il dit, comme il a dit à la croix en expiant, que tout est accompli? Est-ce que j'ai encore le droit de jeûner aujourd'hui? Alors que tout est accompli. Est-ce que ça me donne le droit? Comment la Bible déclare que tout est accompli? Donc il reste comme ça que tout est accompli. Non. On a vu les apôtres jeûner. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. L'apôtre Paul dit qu'il est constamment dans les jeûnes, dans les prières, dans les veilles. C'est pas ça, frère? Dans le livre des Apôtres chapitre 13, le verset 1 et 2, on dit qu'il y avait dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes, parmi lesquels il y avait Niger, il y avait Barnabas. On dit pendant qu'ils servaient, qu'ils jeûnaient, ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Les apôtres étaient en train dans le jeûne, ils jeûnaient, ils servaient le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous voyez les apôtres, ils poussent le ventre comme ça. Quand on ne vient pas sur le serviteur de Dieu, les mains vides. Ils ne jeûnent pas. Il dit, Jésus-Christ a tout jeûné pour nous. Et Jésus-Christ a dit que vous devez jeûner. Parce qu'il avait dit, on était venu voir Jésus, on a dit, pourquoi les disciples des pharisiens et les disciples des gens jeûnent? Alors que tes disciples ne jeûnent pas. Il dit que les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est là. Mais quand l'époux, le jour viendra, où l'époux leur sera ôté, alors ils jeûneront. C'est ça? Le Seigneur a été ôté, pas vrai? Dis à ton voisin, jeûne. Donc, voici une chose. Voilà un exemple qui vient de prendre le cas des jeûnes. Il y a des églises donc qui ne jeûnent plus parce qu'ils disent que Jésus a tout accompli. Mais pourtant, Jésus lui-même l'a dit, quand il sera pas là, il faudra qu'on jeûne. Et dans la pratique, on a vu donc des disciples jeûner. Donc, un chrétien qui ne jeûne pas, il est dans un match, il est dans un but de moi. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Ok. Nous avons vu ici tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, qu'il a dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs. Pas vrai? Alors, dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre. Il va arriver. Que le Seigneur te bénisse. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, vous y êtes? 2 Pierre, deuxième épître de Pierre. Je crois qu'il y en a déjà donné là. Souvenez-vous, il y a une écriture que j'ai mis en suspens là. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Ne quittez pas parce que quand je vais arriver à un point, je vais encore faire le résumé jusqu'à là. Là, on s'est arrivé. Là, on a commencé. Vous êtes dans 2 Timothée, 2 Pierre. Permettez, tout le monde ouvre là. Je vais vérifier que tout le monde est en train d'ouvrir. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2. Non, ça ne peut pas être là-bas, c'est ici là. C'est 1 Pierre. Alors, 2e épître de Pierre. Chapitre 2, ça commence où là? Non. Voilà. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Vous avez vu ça? Vous savez ce que l'apôtre parle là? Il dit qu'il y a eu parmi le peuple, il y a eu. Ça, c'est dans le passé. Quand il s'attient là, il dit qu'il y a eu. Donc, dans le passé, il y avait des faux prophètes. Puis il dit il y aura. Ça, c'est quoi? Futur. Qu'il y aura parmi vous. Il n'a pas dit qu'il y aura hors de vous. Je recommence à encore souvenir de ce qu'on a devant de voir. Qui suis-tu depuis? Donc, le Saint-Esprit lui dit c'est que dans le futur, il y aura parmi les chrétiens des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et que finalement, ces sectes pernicieuses vont conduire à régner le maître qui les a rachetés. Autrement dit, si vous suivez ces sectes-là, que vous suivez comme ça, la personne qu'on a, vous régnez la personne, vous allez continuer dans les affaires religieuses, quand vous êtes sauvé, quand l'apôtre Paul a dit que si vous ne retenez pas, vous aurez cru en vain. Ça veut dire que faux docteur veut dire faux envoi, et par conséquent, faux onction, par conséquent, faux enseignement, par conséquent, faux croyance, par conséquent, destination enfer. Mesurez encore qui vous servez, en qui vous avez cru. Non, ma grande soeur, elle prêche bien, c'est pas ça le problème. Elle ne prêche pas plus que Ève, mais elle était quand même hors de sa position. Elle prenait les gens, non, pasteur, tu vois, la femme là, regarde là, tu as été séduite parce que la Bible dit le contraire. Il faut qu'il me mette plutôt à la porte cette fois, c'est pas vrai. Comme ça, c'est fort là, il sort par le rideau. Ils sont en train de dire, ce qu'elle veut dire, c'est si je vous aime, je suis obligé de dire la vérité telle qu'il m'a dit de dire. Je suis obligé de dire tel qu'il a dit que je dise. Parce que sans la vérité, enfin, vous fuyez la vérité, maintenant vous allez le confronter parce qu'il est la vérité. Toute personne, le souffle va s'arrêter. On va se coucher là-bas, on va vous mettre dans le cercueil, les gens vont pleurer. Après le lendemain, on va dire qu'il n'a même pas donné la bière du deuil, on a bien pleuré son deuil. Il est venu, le Seigneur a rappelé à lui son serviteur, son humble serviteur, même si tu veux la fornication. Mais la réalité, c'est que tu vas confronter Dieu. Tu vas le confronter pour faire état de ta vie sur la terre. Et par conséquent, je sais que je passerai par le même processus. Il faut que je m'arrange à ce que moi, ma vie soit droite et que je sois droitement en train de vous dire ce qu'il veut. Pour que si vous rejetez un de ces jours, je me tiens au devant de lui. Il dit, entre avec le peuple que je t'ai envoyé. Jean, on vous appelle, on vous appelle, on vous appelle. Vous dites oui ou non si vous avez cru à la prédication. Vous dites pourquoi vous avez cru. Vous devez savoir cela. Vous devrez savoir en quoi vous croyez. Alors il dit ici qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous. Je veux que vous voyez le mot parmi vous. Donc au milieu chrétien se trouvent des loups ravisseurs. Au milieu chrétien, se trouvent les faux docteurs. Remarquez bien le titre. Ils ont le titre de docteur. Docteur tel. Donc, maintenant, le chrétien lui dit, tu veux me dire que le docteur tel là n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit dit que parmi vous, il y a le faux docteur. Donc, identifiez donc vos faux docteurs. Identifiez-les. Le Seigneur Jésus avait dit que c'est avec le fruit que vous les reconnaîtrez. Vous allez les reconnaître, les fruits. Donc, ça veut dire que Jésus a donné les indications pour identifier les faux docteurs au milieu chrétien. On nous a aidé ici en disant que si quelqu'un rejette déjà qu'il n'y a plus les apôtres, les prophètes aujourd'hui, au moins là vous pouvez savoir qu'ils sont déjà faux. Parce que la Bible dit que les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangiles, les pasteurs seront là jusqu'à ce que l'église soit parvenue tous à l'unité de la foi. Donc si quelqu'un ne croit pas, si vous êtes dans une église protestante ou n'importe quoi, appelez n'importe quel nom, où il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas de docteurs, des prophètes, quittez de là-bas, quittez. On ne vous arrangera pas. Mais vous entendez maintenant des pasteurs principaux. Pasteurs régionaux. Vous avez vu ça dans la Bible? Donc, ce que la Bible dit, on a retiré. Et ce que la Bible ne dit pas, on a ajouté. Et la Bible a dit, personne n'y ajoute rien, ils ont ajouté. La Bible déclare, personne n'y ajoute rien, ils ont ajouté. Mais c'est terrible, les autres humains. Mais l'apôtre Pierre dit ici qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. Introduire, ça veut dire que c'est quelque chose qui est étranger. Si on introduit parmi nous et qu'on doit identifier la chose qu'ils ont introduite, c'est que cette chose-là, pour l'identifier, il faut qu'on ait quelque chose sur lequel on se base pour dire que ceci est faux. Donc, ça veut dire que les disciples sont enseignés. Ils ont d'abord quelque chose sur lequel, que si quelqu'un vient dire quelque chose de contraire, ils puissent contempler que ceci est faux. La parole de Dieu est révélée étant parfaite. Pas vrai? Alors, il y a eu parmi les peuples de faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. Je vais remarquer bien le geste. Ils sont parmi nous. Un, donc au milieu chrétien se trouvent des dangereux enseignants. Deux, leur but, c'est pour enseigner autre chose. Leur but, c'est pour introduire des sectes pernicieuses, et qui, le but de cet enseignement, c'est pour détacher les autres de Christ, et qui, vous voyez, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur une ruine soudaine. Puis, la prophétie continue. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu? Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est vraiment dit que, un, c'est prophétisé que, un, qu'il y ait des faux enseignants. Deux, qu'il y ait des faux enseignements. Trois, que ces enseignements conduisent les gens à la perdition. Quatre, que plusieurs personnes vont de leur côté. Alors, je pose la question. De quel côté vous vous trouvez? Testez votre foi. Testez donc votre foi. Il y a des gens là, vous demandez que tu es baptisé. Je dis non, depuis que j'ai né, on m'avait versé l'eau sur la tête. Testez seulement votre foi, votre baptême avec la Bible. C'est pour voir si c'est ce que la Bible dit. C'est parce que la Bible dit ça. On dit que depuis que tu es né, que tu es 48 ans, on t'a trompé depuis 48 ans. Vous voyez cela, frère? Je me souviens, il y a un colonel qui venait me prendre à Douala. On est allé à la base militaire. On roulait en convoi là pour aller voir un capitaine. On allait dans son bureau, on s'était assis. C'est un chrétien aussi. On était là tous comme ça, tous, tout le monde était en tenue. Le capitaine était là, quelqu'un qui a fréquenté. Vous êtes surpris que le diable, s'en fout que tu es docteur de la loi, que tu sois ministre ou n'importe quoi. Puisque les ministres, là, ils sont dans la rose, quoi. On dit qu'ils servent Dieu. Mais il ne sait pas qu'on l'a seulement trompé. Alors cette tenue-là, il parlait des ministères. Que non, mon ministère, si, mon ministère, si. J'étais là dans la chaîne, en train de le regarder. Quelqu'un qui a fréquenté. Comme j'ai identifié qu'il a fréquenté et qu'il pouvait comprendre ce que je viens de dire, il dit, que veut dire ministère? Il est d'abord resté mal regardé comme ça. Il dit, que veut dire ministère comment? Non, notre ministère, c'est là-bas à Bonabéry. Notre ministère, c'est là-bas. Notre ministère, c'est là-bas. C'est le ministère de la fonction publique. C'est le ministère de la fonction publique qui se trouve là-bas en ville. C'est pas ça, hein? Le ministère des relations extérieures se trouve là-bas, vers la CIA TV, là-bas, à Longkang, non? Donc, c'est là-bas que ça passe se trouve. Le ministère de la Bible n'est pas comme ça. Le ministère, ça veut dire le service. Le travail que quelqu'un fait. Le ministère, ce n'est pas un lieu. Vous entendez là-bas, on dit ministère de la réconciliation en Christ. C'est faux, d'abord. Vous entendez cela? Quand il dit que mon capitaine, le ministère, ça veut dire que service, le service que quelqu'un rend. Donc, si je suis évangélique, je me mets debout, je viens de parler, voici le ministère que je viens de faire. Si toi, tu exhortes, tu te lèves là, tu exhortes, tu viens de rendre ton ministère. Donc, ça veut dire que ton ministère, comme tu as l'exhortation, tu parles que ministère d'exhortation pour le corps de Christ. Moi aussi, je vais de l'autre côté, ministère évangélique pour le corps de Christ. Quelqu'un prophétise ministère prophétique pour le corps de Christ. Vous voyez ce que l'homme a fait sur les choses de Dieu? Parce qu'on a écrit ministère de l'éducation nationale là-bas, ministère de la fonction publique, lui aussi, ils ont fait la même chose. Pas étonnant qu'ils ont commencé à se comparer au ministre du monde. Parce que quand le ministre a une grosse voiture, il faut que aussi une grosse voiture. Quand il passe, on ouvre à lui. C'est ce qu'on fait là maintenant, au milieu chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Mesurez donc qui vous servez. On peut continuer dans ces deux pieds-là. Lisons le verset 14, 15. Et voyons ce qu'ils en disent. Verset 14 et 15. Verset 14 et 15. Oui. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Stop. Vous avez entendu ça? On a de les identifier. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Beaucoup d'entre vous, vous êtes allés chez les pasteurs, ils vous ont dragué. Beaucoup, pas vrai? Les femmes ne veulent pas parler maintenant. Hein? Ils ont les yeux pleins d'adultère. On a de les identifier. En fait, ce n'est pas moi qui écris. Vous refusez de déchirer votre Bible. On a de les montrer qui sont ceux-là. On a de vouloir les identifier petit à petit. Vous entendez que quelqu'un est prêtre aussi dehors. Après, il a des enfants. Pourtant, il a dit qu'il ne se marie pas. Il a fait comment pour avoir les enfants? Il est le Saint-Esprit. Bon, allons ici. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Insatiables de péché, oui. Ils amorcent les âmes mal affermies. Stop. Donc, si ton âme n'est pas bien affermie, ils vont vous amorcer, c'est-à-dire qu'ils vont vous embrouiller pour prendre dans leur filet. Allons-y. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ça, c'est le coup. Maintenant, on va s'arrêter ici. On dit qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. Maintenant, on peut passer deux jours là maintenant seulement sur cette phrase-là. On dit. Souvenez-vous de là où on a commencé. On a dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs. Après, on a dit il. On parle des faux docteurs. Dans les faux docteurs qui vont venir, on a identifié un. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils vont vous regarder comme ça. Vous entendez les pasteurs qui divorcent pour épouser l'autre parce que j'ai maintenant une blanche et une jeune qui a des jus. Maintenant, on dit qu'ils ont le cœur exercé à la cupidité. On vient de dire que les prédications qu'ils vont faire vont tourner autour de l'argent et les biens matériels. Donc, le Saint-Esprit a donné les libres versets pour qu'on puisse les identifier. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Gardez bien encore ça à l'esprit. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Quand on dit c'est exercé, ça veut dire qu'ils s'est entraîné. Donc, ils sont sortis des écoles de formation où on enseigne les doctrines de prospérité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. C'est la Bible. Nous sommes en train de lire la Bible, pas vrai? Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc, se trouvent au milieu chrétien des enfants de malédiction. Alors, je pose la question. Si vous enseignez, vous croyez, vous êtes où? Vous suivez qui? Quel style d'esprit réservez-vous là-bas? Vous voyez pourquoi dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, donc il dit que si vous prêchez, on vous prêche un autre évangile, vous pouvez recevoir un autre esprit et quoi, un autre Jésus, pas vrai? Alors je pose la question, si on s'arrête là, jusqu'au maintenant, oui ou non, suivez-vous Jésus-Christ depuis? C'est à respirer vraiment. Oui, si on s'arrête là, je suis encore à la surface, je ne suis pas encore entré là-dedans. Parce que, comment? Parce qu'il faut qu'on arrive à répondre à cette question. Je sors de vouloir vous montrer le paysage que nous retrouvons devant nous. Et depuis, c'est l'écriture que je suis de vous présenter. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, qu'on ne conteste pas le milieu chrétien. Nous avons lu au chapitre 15 que ce soit les apôtres, les autres apôtres que Paul, c'est la même chose qu'ils prêchaient. Et on s'est posé la question, ok, les apôtres qui ont construit la première assemblée enseignaient les mêmes choses, même comme ils ne se connaissaient pas. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui disent qu'ils servent Dieu aujourd'hui, avec la même Bible, discutent même sur le plateau, ne s'entendent pas, les chrétiens? Alors la question maintenant, c'est pour comment se fait-il appeler serviteur de Dieu? Parce que c'est le serviteur de Dieu, comme l'apôtre Paul avait été appelé de Dieu, l'apôtre Pierre appelé de Dieu, l'apôtre Paul a dit, celui qui a fait de Céphas apôtre des Juifs, a fait de moi apôtre des païens. L'apôtre Pierre dit, voici la deuxième lettre que Jésus écrit. Dans l'une et dans l'autre, je ne cesse de vous éveiller par votre saine intelligence. Vous voyez, puis il avait quelque part au chapitre 3, il dit, c'est la même chose que le frère Paul parle dans ses lettres dans lesquelles il est point difficile à entendre, à comprendre, où les gens mal affermis tordent le sens comme le seul de l'Écriture. Il dit que le frère Paul dit la même chose avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc, Paul témoigne Pierre témoigne Paul. Aujourd'hui, un apôtre ne peut pas témoigner l'autre. Vous voyez ça? Si quelqu'un dit l'Évangile, il va seulement dire que non, il veut l'Évangile. Non, non, non. Si quelqu'un dit protestant, il dit que non, protestant. Si quelqu'un est patriotique, il va dire, cacha, si on ne peut pas cacha, c'est qu'il n'est pas patriotique. Vous voyez, on se trouve là aujourd'hui. Alors la question maintenant, c'est les fondateurs de ces différents ministères-là, qui les a envoyés? Si vous dites que c'est Dieu, je vous dis maintenant que dès maintenant, je ne lis plus cette Bible si je les suis. Si vous dites que ce n'est même pas Dieu, ça suppose que vous devez les laisser suivre la Bible. Ce n'est que les deux fois. Parce que si vous dites que le fondateur de l'église protestante, il a été inspiré de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé, ça veut dire que vous dites que c'est Dieu qui a dit qu'il met les faux là-dedans. Si vous dites que c'est le fondateur de l'église pentecôtiste, toutes les tendances confondues, c'est Dieu qui les a envoyés. Vous entendez dire que c'est Dieu qui a dit qu'ils enseignent les choses qui sont contraires à sa Bible. Si vous dites que les témoins de Jéhovah, c'est Dieu qui a envoyé Russell avec Charles Russell avec tous les francs et autres là-bas, Rutherford. Si vous dites que c'est Dieu qui les a inspirés, qu'ils écrivent chaque jour pour publier tout ce qu'ils publient, je vais vous dire, ok, dans ces cas, laissez la Bible, suivez les témoins de Jéhovah. Je vous pose donc la question vraiment. Les grands fondateurs de ces ministères-là, Dieu les a-t-il envoyés? Si on voit à la parole de Dieu. Hein, les frères? Non. Ok. Oui. Oui. Est-ce que, par rapport à ce que nous avons lu, oui, il y a des faux docteurs, il y aura qui vont s'introduire parmi vous. Oui. Dieu ne peut-il pas les envoyer, des faux docteurs? Non, je ne suis pas en train de dire que tous sont des faux docteurs. Je suis en train de vouloir qu'on identifie comment les vrais sont. C'est ce qu'on voit le plus. Je dis, les vrais parlent de la même façon chaque fois. Et les vrais ne contredisent pas les vrais qui ont été déjà ici dedans. Parce que c'est le socle, la Bible. Si je viens aujourd'hui avec ma doctrine, quand il dit que c'est comme ça, comme ça. Si l'apôtre peut enseigner autre chose, c'est l'apôtre qui est vrai, parce qu'ils ont été les authentiques prophètes. Pas vrai? Donc si moi il dit quelque chose qui contredit les leurs, c'est moi qui suis faux, pas eux. Donc ça dit, toutes les choses que nous allons recevoir aujourd'hui doivent être confrontées à la leur. Alors toute personne qui se trouve au milieu de nous, dans notre paysage que nous avons appris, si ce qu'ils disent ne corrobore pas avec ce qu'ils ont enseigné, c'est que c'est faux. C'est eux qui sont faux, pas les apôtres. Alors maintenant, si quelqu'un vient, non, envoyé par le même esprit qui a envoyé l'apôtre Paul et autres, vont enseigner la même continuation. C'est ce que je lui dis. D'accord, frère? Et par conséquent, si quelqu'un s'éloigne, Dieu ne peut pas donc envoyer quelqu'un qui va venir enseigner une fausse doctrine. Non, je dis que lui, il l'a reçu, il enseigne vraiment la véritable doctrine. Oui. Mais dans son milieu, des faux docteurs. Comment tu vas enseigner le vrai au milieu du faux? C'est que l'un de vous va se séparer. Parce que la Bible déclare que deux personnes martyrent ensemble sans être accordées. Prenons l'église évangélique. Ils disent que chez nous ici, nous suivons les catéchèses. Catéchèses, catépila sur les chaises. Donc, il suit le catéchèse avant de se faire baptiser. Pas vrai? Maintenant, tu viens, maintenant, tu lis la Bible. Tu vois vraiment que, normalement, dans la Bible, quand quelqu'un croit, il est baptisé. Et tu pars là-bas. Tu es l'église évangélique. On t'a fait dans une cellule là-bas à mi-moment. Tu commences à enseigner. Les gens viennent dans ta cellule chaque fois. Quand quelqu'un croit, tu te baptises. Quelqu'un court là-bas, pas dire au grand pasteur que Sévérin ne fait pas comme Dieu veut. Comme notre assemblée veut. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que les gens ne veulent chaque jour pas les baptiser dans l'eau. On va le convoquer devant le Sanhédrin. Il dit, qui t'a ordonné de baptiser les gens? Comment tu baptises comme ça? On baptise toujours vers les Pâques. un verre en décembre, lorsqu'il y a le culte, il faut qu'on donne 5 000 et une carte de baptême. On achète des tenues. On invite les gens que le pasteur parle de lui. C'est pas ça. Hein? Ça, c'est dans la Bible. Mais ce que l'autre personne sera de faire, c'est la vérité. Parce que la vérité, c'est que lorsqu'on croit, on est baptisé. Maintenant, les deux choses, lui. Ou bien il se compromet en faisant ce que son assemblée dit, ou bien il continue dans la vérité, auquel cas on l'exclut. C'est ce que la Bible déclare dans Jean chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront de leur synagogue. Donc si tu es la vérité, tu es de la vérité, tu es quelque part, on ne peut pas collaborer avec le mensonge. On ne peut pas. Parce que tu vas dénoncer le mensonge. Prenons ceux qui sont exaltés à la cupidité. Il va se lever sur le pupitre, dire Dieu n'aime pas qu'on vienne sur les serviteurs de l'Église, le même vide. Il faut venir. La fête des récoltes, c'est la prochaine fois. Dimanche prochain, toi, si tu viens, inspiré de Saint-Esprit. Tu dis, je vais vous expliquer ce que vous voulez dire, la fête de la récolte. Tu expliques. Puis tu conclues que donc, dans le Nouveau Testament, la fête de la récolte, ça ne veut pas dire que vous amenez vos plantains. Ça n'a rien à voir. Tu viens d'enseigner le contraire de ce qu'il a dit, parce que lui, il espérait la récolte là. Tu viens de dire que les récoltes ne viennent pas. Quand vous allez vous rencontrer dans le bureau, c'est les coups de poing. Pas vrai? Donc, il n'y a pas de mélange entre la vérité et le mensonge. Actes chapitre 20. Si vous êtes fatigué, on fait une pause. Vous prenez de l'eau et on avance. Parce que moi, j'avance. Et puis, comme ça, l'obscurité me trouve ici, oui. Je voulais savoir, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été appelés par Dieu. Oui. Ils ont commencé le ministère. Après, ils sont détournés. Après les morts, oui. Le successeur peut venir du tout. Ça, c'est une bonne question. Voilà. Donc, la question, c'est, il y a des gens que Dieu a appelés. Après les morts, les successeurs sont venus et détournent. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a appelé? Allons-y, lisons d'abord Acte chapitre 20. Ta question est intéressante. Vous y êtes au chapitre 20? Oui. Chapitre 20. Lisons à partir du verset 20 maintenant. Oui. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Oui. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons. Non, publiquement et. Dans les maisons, dans les maisons, oui. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Oui. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Oui. Mais je ne fais point moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, oui. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Oui. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Oui. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans à rien cacher. Stoppons là-bas. Vous avez suivi? Donc ce n'est que tout ce que Dieu veut qu'on sache. L'apôtre Paul les a annoncé. Il a caché quelque chose. C'est terrible. Il dit qu'il a annoncé. Il dit qu'il est pur du sang de nous tous. C'est pour ça qu'il est en Corinthiens. Il a dit, je vous ai annoncé l'évangile tel que je vous ai annoncé. Vous devez retenir comme ça. Autrement, vous allez croire en vain. Ici, c'est aux anciens de l'église justement qu'il en est de parler. Ce n'est pas à l'assemblée. Il parle aux anciens parce que le verset 17 dit, des milliers, il a envoyé appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Et quand ils sont venus, il a commencé à leur parler au verset 17. Vous voyez? Il dit dans ce verset 20, il dit que vous savez que je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement et dans les maisons. J'ai prêché la repentance et la conversion avec la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il dit maintenant, voici lié par l'Esprit. Ceci m'a averti qu'il y a des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pas de ma vie à aucun cas. Mais dis à un apôtre là qu'on appelle seulement qu'on va te tuer. Il prend tous ses frères qui sont avocats, les gendarmes pour le garder. Parce qu'il a entendu seulement qu'on le menace de mort. Là, voici celui-ci, le Saint-Esprit dit, comme tu parles, les tribulations t'attendent là-bas. Il dit que je m'en fais ma vie, je m'en fous. Il fait, s'il veut me tuer, qui me tue? Les serviteurs de Dieu, ils marchent avec les gardes du corps à côté. Quand il prêche même dans son propre assemblée, les gens sont là comme ça, pour garder, parce qu'il sait qu'il a mangé les dîmes, déjà, on peut le gifler. Avançons ici, frère. Verset 25. Oui. Non, verset 28, pardon. Prenez donc garde à vous-même. Oui. Et à tout le propos sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Stoppons là-bas. Maintenant, l'apôtre Paul vient de dire plusieurs choses. Il a donné l'avertissement en tant qu'apôtre. Il a transmis le conseil de Dieu. Il a transmis le conseil de Dieu. Puis il a dit de quitter la scène. Il dit vous. Il s'adresse au berger. Il dit vous. Prenez donc garde d'abord un. À qui? À vous-même. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 16, il va dire la même chose à Timothée. Qu'avant qu'il ne vienne, applique-toi à la lecture et à la prédication. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en le faisant, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit que le pasteur doit d'abord veiller sur lui-même, parce que sa vie doit être un exemple. Oui. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 1, l'apôtre Pierre, lui, de son côté, écrit que voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera révélée. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non comme dominant sur eux, non pour un gain sordide, pour un gain sordide. On ne fait pas pour de l'argent. Il dit, mais comme étant les modèles du troupeau. C'est ce que l'apôtre Pierre dit. Alors ici, il dit, prenez garde sur vous-même. Puis il dit, et sur tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Vous avez ça? Donc le Saint-Esprit doit établir les anciens. Alors aujourd'hui, comment le Saint-Esprit établit les anciens au milieu des assemblées? Il travaille où? À la sonnelle. Il faut qu'on lui donne un poste de responsabilité pour qu'il reste ici. Mm-hmm. Tu es ancien. Mm-hmm. Voilà comment on fait aujourd'hui. Tu es où? Attends. Il travaille à la présidence. À la présidence, oui. Mm-hmm. Il faut qu'il quitte parce qu'il va nous faire qu'on ait l'autorisation. Tu es le président de notre église, le président d'honneur. Donc il y a le poste même de président d'honneur au milieu de l'église. Voilà comment on affecte les postes aujourd'hui. C'est ça. Tu viens, tu n'as peur, tu n'as rien, tu es veuve. Mm-hmm. Même pour voir le pasteur, c'est un problème. Parce qu'on sait que tu n'as rien à apporter, tu vas seulement poser des problèmes. Mm-hmm. Voilà ce que l'église fait aujourd'hui. Mais on peut faire cela, cacher ça aux yeux des hommes. Dieu voit. Puis il dit cela maintenant. Le verset continue. Il dit que je sais qu'après mon départ, vous y êtes. Mm-hmm. Non, il a d'abord que. Il dit prenez garde sur vous, mais surtout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit a établi, et pour perdre l'église de Dieu qui s'est acquis de part par son propre sang. Puis il dit quoi? Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Stop. Après mon départ. Vous avez vu cela? Il a d'abord dit que, les anciens sont établis par le Saint-Esprit, eux. Les anciens sont établis par le Saint-Esprit. Mais quand ils seront dans les différents ministères, des gens vont venir s'introduire. Il sait qu'après mon départ, comme il quitte. Parce que les apôtres sont les surveillants pour regarder si les doctrines sont de marcher sur la houlette comme Dieu l'a vu. Mm-hmm. Si ça se décale, ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Quand Élie s'est présenté dans ce livre de 1 Roi, chapitre 8, il a dit que jusqu'à quand clocherez-vous à gauche ou à droite? Si Baal est Dieu, allez vers lui. Si c'est Dieu qui est Dieu, revenez vers lui. Donc ne fais pas comme ça. Un pied dans le monde, un pied dehors. Les apôtres doivent être là pour dénoncer et mettre ces choses en règle. Les prophètes sont là pour dénoncer le péché et de montrer la direction où l'église doit marcher. Mais vous voyez, les prophètes aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers pécheurs. Vous entendez qu'un prophète a divorcé, a pris une femme, un prophète a couché avec une de telle femme. Le prophète a fait des choses, volé l'argent de quelqu'un. Il dit qu'il est prophète. Mais l'apôtre Paul dit ici que les anciens qui sont établis par le Saint-Esprit doivent veiller sur eux-mêmes et sur le troupeau. Donc ils vont suivre le troupeau pour voir qu'ils ne s'introduisent pas. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 8, il dit que veillez à ce que nulle racine poussant d'amertume ne pousse les rejetons au milieu de vous et que plusieurs en soient infectés. On doit veiller. Vous suivez ça, frère? Il dit, il s'introduira parmi vous des loups cruels. Regardez bien, les loups cruels. Mais le Seigneur avait dit qu'il ne vient pas en loup directement. Il vient à vous en vêtements des brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Puis il dit que souvenez-vous que jour et nuit, avec des larmes, il ne cessait de vous exhorter jour et nuit. Fermons la Bible pour le moment. Alors, jusqu'à ce point-ci, qui est-ce qu'on suit depuis? Qui est-ce qu'on suit? Avec tout ce que nous avons là maintenant. Nous ne croyons plus au baptême. Il n'y a plus le baptême. Ça, c'est un groupe. Nous croyons que le jour de repos, c'est samedi. Non, c'est dimanche. Non, chez nous ici. Maintenant, permettez-moi de répondre à la question de celui-ci. Pas vrai? La question qu'il a posée, c'est, mais s'il y a un authentique serviteur que Dieu a appelé, et que par la suite, son successeur a perverti les choses. Est-ce qu'on va dire qu'il n'était pas, ce n'est pas vrai? On va répondre sur deux angles. Sous le prisme de l'Ancien Testament, puis sur le prisme du Nouveau Testament. Et voir quel est le plan de Dieu. Maintenant, successeur au terme de remplaçant n'a pas sa place dans le Nouveau Testament. Successeur au terme de remplaçant n'a pas sa place dans l'Ancien Testament. Si je suis apôtre que Dieu m'a envoyé, je meurs. On dit qu'au milieu de l'assemblée, c'est telle personne qui prend ma place. Il n'y a plus jamais une personne qui prendra ma place parce que ma place était unique dans le corps. Je sais pas que vous comprenez. Il a suivi l'apôtre pour parler. J'ai cité ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Il dit que vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers de Dieu. Selon que la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Après, enfin, dans l'autre verset là-bas, il va dire que selon que Dieu m'a la grâce qui m'a donnée, j'ai planté. Apollos a. Et Dieu a fait de telle enseigne que ce n'est ni celui qui a planté, ni celui qui a arrosé, qui est quelque chose, mais celui qui fait. Et chacun recevra selon sa récompense. Donc il y a le service pour ceux qui plantent. puis quand il quitte l'autre qui a remarqué bien que celui qui a arrondi n'est pas le remplaçant de celui qui l'a planté, parce que le planteur a fait son rôle. Il n'y a pas de remplacement dans le corps de Christ. Il n'y a pas de successeur dans le corps de Christ. C'est compris? Même sous l'ancien alliance, vous allez remarquer qu'en fait, il n'y a pas de successeur en réalité. C'est une continuation du service. Vous allez voir Moïse, c'est Dieu qui dit à Moïse, va, impose les mains sur Yeshua. C'est Joshua, c'est José. Impose-lui les mains. Puis on va venir, le Saint-Esprit va venir dire que Josué était rempli de sagesse car Moïse avait imposé ses mains sur lui. Mais Moïse n'avait pas imposé ses mains sur lui pour rien. Dieu avait dit à Moïse d'imposer les mains sur lui. Vous voyez là, n'est-ce pas? Parce que c'est lui qui fera entrer le peuple. Il ne vient pas remplacer Moïse, il vient maintenant pour continuer le travail. Il continue le travail. Donc tu as travaillé jusqu'à un niveau. Quelqu'un vient continuer, il n'est pas ton remplaçant. Vous me suivez? Ok. Maintenant, voici l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que j'ai planté l'église comme un sage haché. Il dit, et un autre bâti dessus. Vous voyez, c'est la continuation de l'œuvre. C'est la continuation de l'œuvre. Il dit que chacun prenne garde de la manière qu'on construit. Parce qu'aucune autre fondation n'était posée. Donc il y a des gens qui posent des fondations. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, avait dit à ses disciples que ne dites-vous pas qu'il y a 12 heures dans un seul jour. Il dit que vous êtes entré dans le champ, dans la moisson de ceux qui travaillent. Vous êtes allé moissonner, vous êtes envoyé moissonner où on ne veut pas travailler. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc certaines personnes ont semé, certaines personnes ont semé. Alors, il y a donc ce qu'on appelle les ouvriers de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure sont les ouvriers qui viennent simplement vous finir et puis le temps s'arrête. C'est pas vous saisir. Or, les ouvriers de la dernière heure, ceux de la première heure n'ont pas travaillé le même travail. Chacun a fait son œuvre dans l'édifice. Comme dans une maison comme ça. Observez seulement cette salle-ci. Puisque la Bible déclare que la maison-ci est une édifice. Donc c'est un type de l'église. Observez, vous allez voir que celui-ci. Ce qui vient de toucher, c'est quoi? La moire. Ce qui vient de toucher ici, c'est quoi? Quand le monsieur s'y a fini construire, le muscle a terminé, son travail était terminé, il est quitté. Il ne sait pas que si on a mis la moire là-dedans. Nous sommes d'accord? Donc celui qui est venu faire la moire n'est pas le remplaçant de celui qui a fait le mur. Quand il a fait son mur, pendant qu'il fait son mur, il tape la pam, pam, pam, l'électricien a creusé pour mettre le tuyau dans le mur pour pouvoir passer l'électricité. Quand il finit de passer tous ces tuyaux, son travail est terminé. Le vitrier va venir pour mettre les vitres. Quand il met les vitres, il n'est pas là pour surveiller la lumière, parce que celui-ci a fait son rôle. Celui-ci fait son rôle. Donc s'il veut faire le rôle bien, il va vérifier si la fenêtre, quand on ferme les vitres, ça marche bien. Celui-ci va regarder si la moire est bien polie, si quand on positionne sur le sol, c'est bien droit. Si c'est bien droit, et si ça déséquilibre, il regarde si c'est lui qui est. Celui qui a mal fait, il dit que lui il a mal fait, il rabote pour que ça soit droit. Il a bien fait, il regarde la nivellation, c'est bon, alors c'est le ciment qui est le problème. Donc ce n'est pas lui qui a la faute, c'est celui qui a fait le ciment. Je ne sais pas si vous comprenez. Ainsi, en être du corps, chaque membre a son rôle. Je ne sais pas si vous comprenez jusque-là. C'est compris, frère? Voilà. J'attends des questions. Après, on va faire une pause, on va avancer. Frère, ça va? Ça va. Oui. Donc avec ça maintenant, on peut commencer à savoir maintenant qui sait Dieu, qui ne sait pas Dieu, n'est-ce pas? Jésus-Christ est dit dans le livre de Hébreux chapitre 13, verset 8, comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce qui est écrit. Ce qu'il a fait hier, il va le faire, il le fera. Permettez-moi de sortir avec un verset, d'accord? Prenons Apocalypse, chapitre 2. Avant qu'on va prendre la question ici. Si vous voulez vous poser des questions, toutes les questions que vous voulez. Alors, Hachim, maintenant, tu as vu maintenant comment ça se passe, n'est-ce pas? C'est toi qui as donné le fil. Oui. Mm-hmm. Tu as vu qu'il n'y a pas le bon endroit, on a déjà tout enseigné avant maintenant. De... C'est ça, n'est-ce pas? Donc, Apocalypse chapitre 2. On y va, vous aider, tout le monde. C'est le dernier livre, là. Lisons les versets 5 jusqu'au verset 10. Allons-y, mon frère. Verset 5. Mm-hmm. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Oui. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Oui. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Oui. À moins que tu ne te repentes. Oui. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte. Oui. Œuvres que je hais aussi. Oui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Oui. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté. Oui. Non, je te parlais bien que tu sois riche. Oui. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Oui. mais qui sont une synagogue de Satan. C'est terrible. Verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous voyez les prophéties que Dieu peut donner à quelqu'un. Si vous cherchez les versets, mais vous prenez le genre, si vous allez dire que non, ce n'est pas pour moi, vous allez jeter ça rapidement parce qu'il y a prison dedans, souffrir jusqu'à mort. Même quand il a donné la solution qui se cache derrière, tu dis que non, non, non, non. Il faut que je parte au paradis. Comment tu veux mourir, mon frère? Je veux que le jour, un jour, j'entre dans ma chambre, je couche comme ça, il dort. Pourquoi tu veux mourir seulement comme ça? Prenons, j'arrive quelque part, souvenez-vous de ceci. Il a dit qu'il y a des gens qui se disent, juifs, ils ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. Il a dit comme ça à l'église. Il dit à l'église, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Sardes. Alors, au chapitre 2, là, revenons à partir du verset 1 maintenant. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Ton travail et ta persévérance. Oui. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oui. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Stop. Vous entendez ça? Aujourd'hui, chacun vient et commence à parler de Dieu. On ouvre seulement la main. Vous voyez les affiches là-bas, venez au campagne, au stade, au Missport de Yaoundé. Tous les guérisons, même si n'importe quoi, venez recevoir de prospérité, autre. Tout le monde, on passe dans les quartiers, on fait des tracts, on jette des tracts pour attirer. Le stade est plein parce que les gens ont des problèmes vraiment. Chacun veut sortir des problèmes. J'ai mon rhumatisme là que depuis des années, ça ne peut pas. Peut-être, on m'a dit que c'est assez, ça va donner. Tu pars, tu rentres. Ça ne marche pas, mais tu as donné quand même ton argent là-bas. Parce que c'est quand même si vous donnez 100 francs, vous êtes 30 000, c'est quand même quelque chose. Alors, il dit ici que parce que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. La question que je pose, c'est, est-ce que nous éprouvons les apôtres aujourd'hui? L'autre question, c'est, comment est-ce qu'on éprouve les apôtres pour savoir qu'ils sont menteurs? Il faut qu'on ait un test. Pour que vous ayez un biais, vous avez le biais de 10 000 entre les mains. Quelqu'un dit ça, c'est faux. Il faut que vous montre la différence qu'il y a dans le faux et le vrai. Et pourquoi? Parce qu'il faut qu'il ait le vrai à main pour dire que regarde ceci. Voici le vrai. Le vrai est comme ça, est comme ça, est comme ça. Et donc, la Bible donc montre l'authenticité des apôtres du Seigneur. Lorsque quelqu'un dit qu'il est apôtre et qu'il laisse sa femme enseigner, le seul simple fait là montre qu'il n'est pas apôtre de Jésus. Parce que l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui l'avait envoyé, il devait lui dire que voilà mon commandement. Fermez les Bibles maintenant, vrai, vrai. Ouais, quoi maintenant? Que Dieu vous bénisse. Amen. Avez-vous des questions? Toutes les questions. Oui. La question, c'est toujours la femme. Oui. La femme ne doit pas enseigner comme vous pouvez le dire. D'abord, est-ce que moi qui ai dit? Comme la Bible vient de nous enseigner, je n'ai pas saisi ça. Oui. Vraiment, je n'ai pas compris. Oui. Parce que moi, parce qu'on m'arrive quand même d'enseigner. Ce que je reçois dans la parole de Dieu. Oui. Je voulais savoir si à compter de maintenant, ce n'est plus vrai. Bon, non, pas que ce n'est plus vrai, ou que tu dois faire ou tu ne dois pas faire. C'est ça, non? Voilà. Prenons le cas où vous enseignez. Vous voyez une jeune fille qui vivait dans la fornication. 1 Corinthiens chapitre 6, la fornication, ça dit qu'une fille qui couche avec un homme qui n'est pas son mari. Ça, c'est de l'impudicité, ça. C'est l'immoralité. Vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, que fuyez l'immoralité sexuelle. Donc, fuyez la fornication. Cette fille, si elle lit ça, elle va poser la question. Est-ce qu'elle a besoin de se poser des questions? La question, qu'est-ce que la Bible a de lui dire? Je fuis. Est-ce qu'elle va déposer ça encore, dire que je fais comment? Je vais vers la fornication ou je fuis la Bible? Qu'est-ce que la Bible a dit? C'est un commandement, c'est pas un commandement. Ça, c'est au chapitre 6, verset 17. Quand nous, on avance, on avait le verset 14, chapitre 14. On lit, verset 33, que la femme se taise. Ça veut dire quoi, frère? Qu'elle lit ça, ça veut dire qu'elle bavarde ou qu'elle ne bavarde pas. Je ne permets, 1 Timothée chapitre 2, verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça veut dire que ça lui est permis un peu. Non. Je crois que les commandements sont clairs. Je rends grâce à mon Dieu que les commandements de la Bible sont clairs et explicites. Les paraboles ont besoin d'explications, les commandements n'en ont pas besoin. Les commandements de la Bible sont explicites au point où il est écrit par exemple, aime ton prochain comme toi-même. Ça n'a pas besoin d'explications normalement. Ça c'est écrit clairement que aime ton prochain. Là, c'est écrit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Je vais lui donner le couscous ou le maïs. On a dit donne-lui à manger. Il n'y a pas besoin de commandement, d'explication là-dessus. La Bible déclare que priez pour vos ennemis. Donc, c'est vrai que Paul dit que si ta grand-mère fait quelque chose, envoie le feu sur tous tes ennemis. C'est contraire à la Bible, parce que la Bible dit que je prie pour eux. C'est pas si vous comprenez. Donc, la Bible, les commandements de la Bible sont clairs, explicites. Dieu a fait ainsi afin que l'homme ne dise pas que je n'avais pas compris. C'est pour ça qu'il a fait. C'est pour ça qu'il avait donné les lois à Israël. Il a dit que, dans ce livre d'Ésaü, chapitre 20, verset 4, il dit, tu n'auras point de Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans, en haut dans le ciel. Parce que s'il avait dit que, quelconque, il avait dit que quelconque peut dire quoi? Bon, j'ai fait dans le ciel pour honorer Dieu. Il a donc explicité, au ciel, tu ne dois pas faire. Sur la tête, tu ne dois pas faire. Tu dis, ok, même le poisson, il dit, en bas aussi, sur la tête, tu ne dois pas faire. Donc, il a été clair là-dessus. C'est pas ça, hein? Tu ne convoiteras pas le fil, le bœuf, l'âne de ton prochain. Tu ne commettras point adultère. Ils ont dit qu'ils n'ont pas bien compris. Jusqu'à ce que je veux vous dire que ceci. Comme on vous a dit là, on voulait plutôt dire que si quelqu'un regarde une femme et le convoite dans le cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Donc tes yeux, ton cœur, avec l'habillement de la femme, sont des problèmes à résoudre. Donc le Seigneur a donné le commandement clair. Pas vrai, frère? Des questions? Ça va? Je vous ai dit tout à l'heure là, ici là que quand vous aurez fini d'écouter, c'est 460 degrés que ça va balancer. Quand vous allez sortir, vous serez en face des problèmes et des solutions, dont la Bible dit. Oui. Et cet enseignement contre les femmes, il s'agit de la Bible là, c'est à l'église ou bien il s'agit de l'église? Non, je crois qu'il faut qu'on vérifie plutôt dans la Bible, pas vrai? 1 Corinthiens 14, parce qu'il faut qu'on lise ce que la Bible dit, pour que ce soit que c'est moi qui dis. D'accord? 1 Corinthiens 14 encore. Vous aimez la Bible, pas vrai? Dans Jean chapitre 14, verset 23, le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime garde ma parole. 1 Corinthiens. Mais je vais corriger ce que la mère a dit tout à l'heure. Elle dit que cet enseignement contre les femmes. Ce n'est pas contre les femmes. C'est en réalité, vous devez vous réjouir. Parce que Dieu montre sa voie pour qu'on marche comme lui il veut. Si Dieu avait voilé cela avant que le jour là tu viennes devant Dieu, que Seigneur, j'étais servi sur la terre. Il dit qu'en réalité, ma Bible qui est ici dit que tu n'es pas enseigné. Si Dieu va dire, Seigneur, je ne connaissais pas. Mais il a mis sur la terre pour que personne n'ait des justifications devant lui. Parce que quand tu vas venir devant Dieu, il dit que Seigneur, Seigneur, j'ai la joie dans mon cœur. On dit c'est ton tour, tu entres. Tu vas voir comment toute personne est allée plutôt en enfer. Tu dis, mais la qualité que les gens peuvent en enfer, ma page, je vais m'en sortir. Tu vas là-bas, il dit qu'est-ce que tu as fait de 1 Corinthiens 14? J'ai mon pasteur m'avait établi, il avait dit qu'est-ce que la parole dit. Verset 33, chapitre 14. Après, vous allez encore parler, d'accord? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Ça commence d'abord. Pour dire effectivement que le désordre qu'on a dit là ne vient pas de Dieu. Et puis il y a un point là-bas qui s'arrête. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Remarquez qu'il y a un point. Vous avez remarqué? Il y a un point. Donc il veut signifier qu'en réalité, tout le désordre qui vient à ce sujet-là ne vient pas de Dieu. Puis il dit, comme dans certaines églises des saints. Regardez bien ce que je viens de lire. Comme dans certaines églises des saints. C'est ça, non? Vraiment? Fermez de regarder. Ok. Il dit, l'apôtre Paul a écrit comme dans certaines églises, les saints, c'est ce qui est écrit. Il a dit quoi? Donc c'est valable pour toutes les églises des saints. Donc il est interdit. Bon, continuons, prenons le verset 34 en avançant. Verset 34, frère. Verset 34. Oui. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Oui. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui, continuons. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Oui. Si elles veulent s'inscrire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler où? Dans l'église. Donc ça veut dire que c'est répondu, c'est pas vrai? C'est bien quand vous répondez comme ça, quand vous voyez de la Bible, vous savez que c'est pas un homme qui vous a dit. Donc n'allez pas dire qu'il y a un cougar qui est venu de là. Il nous a dit que les femmes ne veulent pas enseigner. C'est pas moi qui écris ça. C'est pas moi qui écris, c'est la parole du Seigneur. Pas vrai? Continuons. Parce que la Bible vient de nous dire ici, là, dans l'église, donc la femme doit rentrer poser la question à sa Amen. Ou à la maison. Amen. Ça veut dire que la femme peut exhorter ses soeurs à la maison. Allons-y dans Tite chapitre 2. Merci beaucoup. La Bible a répondu à toutes les questions, d'accord? Tite chapitre 2. Donc, je crois que ce que vous allez faire, c'est que vous allez voir le frère Jules qui va vous entretenir ici chaque fois, qui vous donne un enseignement. Il y a un enseignement de 5 heures de temps là-dessus, sur la place et le rôle de la femme dans le dessein de Dieu. Mais ça veut dire, si vous avez cet enseignement, vous n'avez pas besoin de me poser la question, parce que je suis allé en détail là depuis la Genèse, pas vrai? Oui, vous n'avez pas encore écouté. Non, il faut écouter, d'accord? C'est partie 1 et partie 2. Le rôle et la place de la femme dans le dessein de Dieu et dans l'Église. Je suis allé depuis la Genèse, sous la loi, avant la loi, à la chute, sous la loi. Je vais rapidement là-bas. Je m'excuse alors, donc maintenant je suis alors là. Après Timothée là. Bah, attends, j'ai de l'été de pas même. Hein. Allons-y comme ça. Rentrons ici. Rentrons là. Et puis rentrons avant Simon 2. On a dit chapitre 2. Dit chapitre 2. Maintenant, si vous regardez dans votre Bible, si c'est écrit, il y a les paragraphes qu'on écrit en haut. Il y a des textes qu'on écrit en haut. J'aimerais que vous lisez ce qu'on écrit là, à haute voix, pour que les gens écoutent. Une personne lit d'abord, je ne sais pas. Comment tu dois exhorter les vieillards, les femmes, les jeunes hommes, oui. Les serviteurs, et quel exemple il doit donner lui-même. Donc c'est ce qui est contenu dans ce qui est en bas. Maintenant, le verset 1 dit quoi, mon cher frère? Suivez attentivement, vous les femmes qui avez posé la question. Verset 1 dit quoi? Verset 1. Oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Stoppons là avant. Et on a dit là-bas que ce sont les choses qu'il va dire au vieillard, à ceci, à ceci, et comment il doit se conduire lui-même. Ici, on dit, il commence maintenant par dire, ça, la tête là, on peut enlever ça, c'est pas la parole de Dieu. Mais ce qu'on vient de lire là, c'est la parole de Dieu. Il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 3, l'apôtre Paul dit que si quelqu'un enseigne des doctrines, autres doctrines, que ce n'est pas la doctrine de Christ, que ce n'est pas la saine doctrine, il a la démangeaison des choses oiseuses. Il est ignorant, il dit quand même qu'il est ignorant. D'accord? Donc c'est la saine doctrine qu'on doit enseigner. Et maintenant, voici l'un des volets dans la saine doctrine. Puis il dit, que les vieillards doivent être sobres. Donc on doit enseigner au milieu de l'église que les vieillards, vous devez être sobres, vivaces. Vous ne passez pas le temps au matango. Pour boire, pour bavarder, on doit les dire cela. C'est la saine doctrine parce que la vie chrétienne, c'est un style de vie. Le style de vie chrétien doit trancher franchement, comme il disait le départ ici, avec la vie mondaine. On ne doit pas nous retrouver dans les milieux. C'est la Bible qui enseigne cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à l'église? On dit que non, non, l'homme est libre. Dieu nous a créé libre. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. La liberté est limitée par le fonctionnement de la grâce et de la foi. La liberté dans laquelle Christ nous a amenés. Elle est limitée par la grâce et par la foi. Parce qu'il y a maintenant des exactions. Il y a maintenant des commandements à marcher d'une certaine façon. Donc tu n'es pas dans le libertinage, mais ta liberté est contrôlée maintenant par un style de vie. Vous me suivez? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, il dit, voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme marchent les païens qui n'ont pas de connaissances. D'accord? On ne doit plus marcher comme les païens. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 17. Il dit qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, la marche des païens n'est pas la marche de l'église. Et il disait, voici ce qu'il vous dit et je vous recommande dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher. Donc, il y a une certaine marche quand on est chrétien. Notre style de vie doit changer. Et donc, ici, il dit que dit ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. La sainte doctrine, ça veut dire que ce sont les paroles que Jésus veut qu'on enseigne à l'église, pour que l'église soit prête. Vous me suivez? Ok. Maintenant, il dit que les vieilles doivent être sobres, hein? Honnête, mais les chrétiens, tu vois, les pères qui font, on lui donne l'argent qui travaille. Les chrétiens, Dieu vient chez lui, il dit à son fils que dit que je ne suis pas là. D'autres chrétiens, même les pères qui volent la lumière, ils partent chercher la sonnette, que truc nous le compter, que ça ne vient pas cher, la lumière vient trop cher. Ils travaillent quoi? On dit que c'est l'argent de la sonnette, il dit que c'est mon argent aussi. Si ton argent aussi, va prendre la lumière là-bas sans payer. Mais quand la sonnette est venue, chacun court, on remet le compteur. Et il dit que on doit être honnête. Continuons. Modéré. Saint dans la foi. Dans la charité. Dans la patience. Il a fini avec les vieillards. Maintenant, verset 3, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Arrêtez-nous dehors là-bas. Les femmes, vous voulez qu'ils parlent? Vraiment? Avance. Bon, vous savez, je suis obligé de vous dire, même si vous faites... Après, vous me refusez n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Mais il a dit, remarquez bien qu'on a donné un ordre ici. C'est comme si Dieu se trouve ici, dit à ses frères, c'est que dis ça. C'est un ordre à celui qui doit parler. Donc, on dit, dis que. Donc, si il me tient là, je dis que. Ce n'est pas moi qui ai dit. Si vous voulez, ce que vous avez fait, la seule chose que vous pouvez faire, c'est jeter votre Bible. Parce que depuis, je n'ai pas ouvert une Bible, ce n'est pas vrai. C'est vous qui êtes en train d'ouvrir votre Bible. On en a découvert ensemble ce qui est écrit. Alors, il dit, que je vous dise que vous, les femmes, qui êtes âgées, votre accoutrement doit respecter la sainteté. Vous avez vu cela? Alors maintenant, l'enseignement sur l'habillement de la femme, c'est tout un enseignement. Parce que vous avez les démons sur vous qui vous aiment. C'est trop fort quand tu as une femme, ça te dérange. Laisse les femmes gérer pour leur cas là-bas. On a pris pour le vieillard. Tu as vu le père, il a dit quelque chose. Il a seulement bougé les pieds. Ça peut dire que maintenant que donc, ça veut dire que le matangola c'est terminé. Toi, tu es jeune. On va arriver sur toi. Il y a les jeunes là-bas. On parle pour les femmes, toi tu viens discuter sur les femmes. Donc si vous voulez, dans la deuxième session, on parle de l'habillement des femmes, je parle avec les femmes, d'accord? Mais avançons pour répondre à la question dont vous avez posée, pour qu'on ne sorte pas du couloir. Il dit donc, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir, je veux que vous voyez le mot aussi, vous les femmes, soulignez d'abord aussi, entourez aussi d'abord dans votre Bible. Avant que j'avance, entourez, il dit les femmes seulement, vous n'êtes pas les femmes, les hommes, toi tu oui, laisse chez toi. Regardez, la Bible c'est le miroir, quand tu mets la Bible devant toi, ou bien quand vous allez devant le miroir, est-ce que tu vois la face de toi, ta femme? Non. C'est toi que tu vois, non? Donc quand ça te rencontre, quand elle dit que Marie, aimez vos femmes, on parle de qui ici? C'est à toi qu'on s'adresse. Mais si je dis que femme, soyez soumise à vos maris, présentez-lui comme ça, dit que on dit quoi ici? D'accord, frère? Quand tu lui présentes que soyez soumise à vos maris, même si elle fait, elle va tourner, le commandement dit que femme, soit soumise à ton mari. Mais en retour, on dit aussi que homme, mari, aimez vos femmes. Pour l'homme, c'est grave. Hein? On dit aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église, qui a donné sa propre vie sur elle. Les femmes, les maris, même chrétiens, disent si tu meurs, les femmes sont finies dehors. Ah, c'est terrible, il faut les délivrer, les femmes, les hommes là. Donc ici, il dit que les femmes âgées doivent aussi. Il y a le mot aussi, pas vrai? Pourquoi c'est aussi? Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Dieu regarde seulement au cœur, pas vrai? C'est ce qu'on nous a dit. Vous pouvez monter dans la Bible alors, où c'est écrit comme ça. Hein? Alors, donc, il dit que la femme, les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Maintenant. Quand ils disent aussi, c'est parce qu'elle doit travailler quelque part. Donc, il y a à l'intérieur de la femme qui a des problèmes. Dans 1 Pierre chapitre 3, il dit, ne vous parlez pas avec l'extérieur, mais il y a les œuvres, quoi, la charité d'un cœur pur, ainsi de suite. On va y revenir. Maintenant, ici, il dit qu'il s'agit maintenant de l'extérieur. Donc, premier enseignement pour les femmes âgées, c'est qu'elles soient conformes à la sainte doctrine. C'est-à-dire que quand on te voit à l'extérieur, que tu sois une sainte femme. Pas que tu te baisses comme ça, les saints sortent devant comme le couscous. En gros, tu commences à faire comme ça, comme ça. D'accord, mes femmes. Quand il veut parler, il veut me tourner seulement comme ça, regarder le mur. Ou bien parler. Parce qu'elles sont menaçantes. Quand il parle comme ça, mais toi, elles me menacent. Donc, on va faire la pause. Si vous voulez, on continue. Si vous voulez, on donne rendez-vous demain. Je suis venu à Douala pour vous. Je suis venu avec toute ma famille. Donc, elle se retrouve là-bas. C'est le service pour lequel Dieu m'a appelé. Je suis venu là. Si vous voulez qu'il reste une semaine, s'il resterait une semaine. Ça dépend de vous. Si elle prêche, vous dites à Jules que c'est la dernière fois qu'on voit le gars là ici. Il partirait sans revenir. Si j'appelle et j'entends Orange transférer votre appel, c'est qu'elle a renvoyé mon appel. Donc, mais je veux quand même m'assurer qu'avant qu'il dise le milieu aussi, que je dis ce que je dis, le Seigneur veut que vous sachiez. Alors, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant. On dit comme ça aux chrétiens. Parce qu'on sait comment la bouche bavarde. Le Congo, ça, au milieu chrétien, c'est fort. Il dit n'être ni médisant, ni adonner un vin. N'est-ce pas? Maintenant, regardez maintenant. Mais qu'elles doivent. Regardez bien. Qu'elles doivent. C'est un commandement là, n'est-ce pas? Qu'elles doivent donner n'importe quelle instruction. Non. De bonnes instructions. Vous avez vu cela? Maintenant, vous voulez souligner. Doivent donner de bonnes instructions. Que Dieu vous bénisse. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Puis, on a orienté ces instructions-là. Parce qu'en réalité, le commandement lui interdit dans 1 Timothée 2 d'enseigner et de prendre autorité sur les hommes. Donc, on lui dit exactement où les instructions doivent aller. Donner des bonnes instructions dans le but. Donc, l'instruction que la femme doit donner, les femmes âgées doivent donner, est orientée vers les jeunes femmes. Parce qu'elle est une femme âgée, elle a eu la maturité. Elle peut transmettre dans la maturité. Vous voyez? À aimer leur mari. Donc, il faut que d'abord, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, que les bergers sont les modèles du troupeau, ainsi en est-il des femmes. Parce qu'une femme qui sort avec des hommes d'autrui, si une jeune fille veut se marier, va se dire que si ta mue sort, il y a les hommes sont finis ici dehors, parce que c'est comme ça sa vie est. Mais une femme sainte craint Dieu. Et comme elle craint Dieu, elle met sa vie en règle. Elle se donne comme un exemple. D'accord? Alors maintenant, si toi, maman, tu t'habilles sexy, une jeune fille vient avec le coup de jupe, comme ça, maman, tu dis que maman, il faut le nombril dehors, ton nombril est très bien, mets ça dehors, c'est ce que tu vas donner. Ok, maintenant, donc on va travailler là-dessus, tout à l'heure, Dieu voulant. Alors il dit, l'enseignement, les instructions que les femmes doivent donner, doivent être des bonnes, pas n'importe quelle instruction. Donc, ce n'est pas le standard humain, ce n'est pas le standard du monde, c'est de bonnes instructions. C'est-à-dire les instructions qui sont conformes à la saine doctrine. Puis, dit, l'instruction est orientée à canaliser la jeune femme, dans son foyer. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas à l'église. Voilà le rôle de la femme est enseignée. Et je m'étonne de combien de foyers chrétiens sont en train d'aller de dislocation en dislocation. Je m'étonne de voir combien de fois des pasteurs eux-mêmes sont en train d'aller de dislocation en dislocation. Je m'étonne de voir combien de femmes sortent, laissent ce qu'il leur est demandé de faire pour aller faire autre chose en laissant le foyer et puis le diable entre. Parce que chacun a quitté son... Enfin, on va voir cela là-bas. Chacun a quitté son rôle. On croit que les âmes périssent là dehors. Il faut que l'on soit pour aller prêcher. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas prêcher. Voici ce qu'il a dit noir et blanc. Que tu dois. C'est un commandement. N'est-ce pas? Pour l'autre qui l'a interdit, parce que je ne permets pas d'enseigner. Voici ce que je te permets. La femme reste ici. Il dit non, on va toujours rester à la maison. On va toujours rester à la maison. Tu m'as prêché même qu'il vient ici. Je vais enseigner parce que les âmes prêchent dehors. Donc c'est toi qui décides sur les âmes. La personne qui a fait les âmes dit que toi, laisse ça tranquille. Fais ici parce qu'ils s'attendent dans le foyer. La femme dit bon, c'est ce qu'on leur a appris aujourd'hui. Que les femmes périssent, les gens périssent dehors. Avant que tu ne sois là, les femmes, les gens ne périssaient pas. Maintenant, continuons. Il dit dans l'optique d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques. C'est pas ça? À être soumis à leur. Donc voilà l'enseignement que vous devez donner. Et pour que vous donnez cet enseignement, il faut que, remarquez bien, Dieu a dit à titre de 10 aux femmes âgées. Donc l'enseignement doit d'abord aller aux femmes âgées pour qu'elles puissent relayer ça aux jeunes filles. C'est terrible ce que l'église est en train de traverser. Alors maintenant, on dit, continuons maintenant, après, dans l'optique d'aimer leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas. Soulignez ça. Donc si les femmes ne font pas ça, la parole de Dieu est blasse. Blasphème par qui? L'ennemi de Dieu, c'est qui? Donc, on m'a dit que voilà ta femme que tu avais dit que non. L'église représente ta femme, non? Regarde-la sur la terre. Avec les faux cheveux partout, les faux cils, tout ce que tu as de les ongles, tes faux ongles. Que Dieu vous bénisse. Fermez les Bibles. Tout à l'heure. Je vous salue d'abord, d'accord? Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue d'abord dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Il vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Permettez-moi d'abord de vous saluer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, oh, comment, maman? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous sommes éloignés d'un pied seulement avec les Écritures? On a quitté les Écritures aujourd'hui. Mais maintenant, vous avez deux styles de cœur là maintenant. Soit votre cœur en train de dire, c'est Dieu qui peut faire cela. Mais pourtant, on a vu que tout est facile. Tu ne comprenais pas. La Bible est vraie. Ah, la Bible est vraie. Tu ne comprenais pas. Maintenant, tu comprends. Je ne comprenais pas. Maintenant, ça va, n'est-ce pas? Ce que je comprends maintenant, c'est le contraire de ce que je croyais. Alors, d'où la question qu'on a posée départ. Qui suis-tu de? Depuis. Voilà. De tout à l'heure. Wow. Donc on va prendre une pause et puis on va continuer si vous voulez. À moins que vous dites qu'on prend, on donne rendez-vous demain. Parce qu'il y a beaucoup de sujets là sur lesquels il faut traiter, pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a tiré un cantique pour que nous remercions le Seigneur. Ok. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner à soudain si grand coupable et mes péchés oubliés? Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, crois-moi. Longtemps j'ai loin de sa face provoqué son secours. Ferme mon cœur à sa grâce, blessé le sien devant tout. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je suis, prends-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Amen. ce que le frère nous enseigne nous permet de quitter le faux pour nous tourner vers le vrai, vers le véritable. Notre Seigneur est la vérité. Il a dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc, notre Dieu a permis certainement que nous marchions dans l'ignorance. Aujourd'hui, il est en train de nous éclairer, de nous dire la vérité. Nous allons continuer à le prier pour qu'il continue d'apporter sa lumière dans nos cœurs, qu'il puisse nous conduire davantage à marcher pas à pas, à le suivre au quotidien, à oublier ce qui nous entraînait sur le chemin large, pour nous conduire sur le chemin étroit. Puisqu'il dit que le chemin est étroit, il est difficile. Donc le Seigneur seul peut nous conduire. Alléluia. Amen. Et c'est un chemin solitaire. Vous savez qu'on y marche seul. Ce n'est pas parce que nous sommes assemblés que nous allons croire que nous allons marcher ensemble. Chacun individuellement, comme le frère a dit, devrait s'examiner. Nous croyons en qui depuis. Et le Seigneur a dit quelque chose de très pertinent. Il nous a dit, sortez des systèmes organisés. Alléluia. Amen. C'est à chacun de prendre. Le Seigneur nous demande, le Seigneur dit quoi? Il dit, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Amen. Donc, si nous comprenons et que nous décidons de continuer à marcher avec les systèmes organisés, de continuer à marcher avec ce qui est le faux, tout en sachant que c'est le faux, la faute ne nous revient qu'à nous-mêmes. Au dernier jour, le Seigneur a dit, vous avez entendu, ou bien vous avez écouté la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait de la vérité? Alléluia. Ok. Nous allons baisser la tête pour prier, pour remercier notre Dieu. Éternel Seigneur Dieu notre Père, Père Tout-Puissant, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est de te dire merci, si ce n'est, Seigneur, de venir, Seigneur, te demander pardon, nous répentir de ce que nous avons cru, nous répentir, Seigneur, de la voie que nous avions empruntée, Seigneur, pour venir comme tu as dit, comme des enfants, avec simplicité de cœur, avec humilité, Père. Seigneur, pour que toi-même, tu ouvres nos cœurs. Que toi-même, Seigneur, tu fais lui ta lumière. Parce que si ce n'est pas toi qui nous délivre, Seigneur, si ce n'est pas toi qui nous éclaire, Seigneur, à qui est-ce que nous irons? Père, nous nous soumettons à toi. Seigneur, que cette lampe, Seigneur, cette lumière, Père éternel, que tu fais lui dans nos cœurs, que tu commences à allumer dans nos cœurs, Seigneur, que ce soit pour te suivre. Sans plus jamais, Seigneur, nous détourner de ce chemin que tu nous montres, Père. Seigneur, merci parce que nous avons écouté ton serviteur. Merci parce qu'au travers de lui, Seigneur, ce n'est pas un homme que nous avons écouté. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Seigneur, le frère a demandé, parlant des miracles, parlant des guérisons, il a demandé tout cela. Père, Père, nous venons à toi. Nous venons à toi, Père. Parce que tu es le même, tu ne changes pas. Si tu as guéri hier, Seigneur, tu peux guérir aujourd'hui. Seigneur, si tu as apporté des prophéties hier, tu peux les apporter aujourd'hui. Seigneur, tout ce que tu as fait hier, tu peux faire encore aujourd'hui. Donc nous nous soumettons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs soient touchés. Que ce qui nous ronge, Seigneur, que ce qui peut nous empêcher, éternel des armées, à te suivre, Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'ôter cela, Seigneur, de nous montrer, Seigneur, que l'Église telle que nous la vivons, Père, au travers de des actes des apôtres, Seigneur, que ton Église est vivante et que tu es au milieu de ton Église. Déploie-toi, Seigneur, comme tu as fait pour les apôtres. Nous attendons à toi pour que tu fasses la même chose. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen.